Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous. Enfin, l'un ou l'autre en fait. Bonsoir, bonjour ou bon après-midi à tous. Vous pouvez pas faire les trois en même temps, ça marchera pas. Bienvenue une nouvelle fois dans les Staminerds, votre podcast, votre rendez-vous de techno, de culture pop, de société, de tout. Je m'appelle Matt et je suis encore une fois ravi de vous accueillir dans notre établissement pour geek, un établissement où on va accueillir nos piliers de bar que sont Chris 2. Salut mon petit Chris 2. Salut Matt. On va accueillir aussi V pour Valentin. Bonjour V, bonjour Valentin. Bonjour. Et également Mister Yanda. Et je termine par toi parce que tu es le dernier arrivé et que tu es un peu en retard. Et ça, c'est pas bien, Mister Yanda. C'est une habitude. Bonsoir tout le monde, bonsoir Matt. La balance. C'est une habitude, on appelle ça le fameux quart d'heure bordelais. Messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que tu as quelque chose avec du thon et de la tomate, s'il te plaît? Oui, j'ai quelques pizzas. Bah, elles sont encore congelées. Ça, c'est dégueulasse. La pizza thon tomate, c'est dégueulasse. Ah, bah d'accord, super. Bouf. Est-ce que tu souhaites qu'on en parle dans cette émission? Est-ce que tu souhaites que je l'inscrive sur l'ardoise à l'ordre du jour? C'est l'ordre du jour ou c'est le plat du jour du coup? Non, l'ordre du jour. Non, je peux pas servir quelque chose comme ça à des gens que j'aime bien. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Un peu de raison dans cette émission. Ouais, c'est important. Moi j'ai une bière sans étiquette, donc je sais pas ce que c'est. C'est voilà, la surprise. Elle est tombée tout comme l'épisode 12 de Les Staminerds. Ah, il paraît. Il y a eu un épisode 12. Et oui, il y a un épisode 12. Alors c'est un épisode qu'on a enregistré alors que Valentin n'était pas là, hein, parce qu'il était occupé. Et quand on dit enregistré, c'est un épisode pour lequel il manque la voix d'un des protagonistes. Bah dont, ouais, la mienne du dont coup. Dont nous tairons le nom. Voilà. Ah voilà. Et bref, nous sommes directement. Ça serait bien le Covid, ça fait attention. Une tour haute comme ça. C'est un signe avant-coureur du Covid. A priori, nous quatre, on respecte les distances de sécurité ce soir, donc c'est cool. Du coup, voilà, c'est un épisode que vous n'entendrez a priori jamais. Et c'est sûrement pour ça qu'on a mis 2 mois avant de publier ce nouvel épisode. Il y a presque 2 mois qui séparent l'épisode 11 et ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes pas fiers de vous. Du coup, on voulait parler du DC Fandom, mais c'est peut-être un peu cramé comme actualité. On va la mettre. On en a parlé dans l'épisode que vous avez pas entendu. Voilà, c'est bien comme argument, ouais, non? Les trucs que vous vouliez entendre dans cette émission? Non, mais on en a parlé. On a aussi donné tous les secrets pour devenir riche et tout. Enfin, c'est con, quoi. Cet épisode-là, il était vraiment super intéressant, quoi. Non, il n'était pas très intéressant. Tu peux pas dire ça. Je peux pas te laisser dire un truc pareil. Du coup, une grosse action en chasse une autre, puisque le DC Fandom a été complètement bousculé par les annonces de la sortie de cette machine merveilleuse qu'on appelle la PlayStation 5. Ces machines merveilleuses, puisqu'elles sont plusieurs. La PlayStation 5 qui lit des dix et la PlayStation 5 qui lit pas des dix. Toi, t'as suivi, Yanda, les conférences d'annonce de la PlayStation avec trépignement, avec impatience? Alors non. pour une raison simple, c'est qu'en fait, le soir de cette annonce, nous étions en train d'enregistrer l'épisode disparu, notamment, pour cette raison-là. Et non, mais en plus, je suis plus les confs, que ce soit sur des grands événements ou de jeux ou d'annonces en règle générale. J'aimais bien les confs Ubisoft pendant un moment, mais moins ces dernières années. T'as plus trop le droit de dire j'aime bien Ubisoft en ouais, ce moment. Ouais, alors c'est pas en safe comme point de vue. Mais en prime de ça. Mais au-delà de ça, ça fait un peu plus longtemps que le scandale pété, que le scandale a pété pour le coup, autour de leur gestion des ressources humaines, on va dire. Mais non, du coup, les annonces de la PlayStation 5, ça m'est passé un petit peu au-dessus. Voilà, j'ai regardé les actus, puisqu'après, de toute façon, on ne voyait plus que ça. Et j'ai vu ça d'un œil, effectivement, assez surpris, notamment de par leur parti pris. Bah de ces deux machines, justement, comme tu dis, celle qui lit les dix et celle qui n'en lit pas. Mais voilà, après, sinon, non, j'avais pas trop suivi l'annonce, moi, perso. On est sur un petit OSEF sur 20, on va dire. En termes d'annonce et de hype avant l'arrivée, OSEF sur 20. Ouais, OSEF sur 20, c'est pas mal. Mm-hmm. Hein. Pourtant, elle est jolie, cette machine. Valentin, toi qui es un grand gamer, toi, t'as suivi ça avec assiduité, ça, c'est... C'est exactement ce que j'allais dire. Je joue tellement peu depuis quelques années maintenant et je suis de toute manière toujours Nintendo addict. Donc toutes ces conférences là me passent un peu au-dessus, j'en ai un peu rien à péter. Je suis ça d'un peu loin avec un regard assez distant, mais oui, je ne suis pas non plus passé à côté de ce de cette affaire des consoles complètement dématérialisées. Donc oui, mais après c'est ça, en tant que grand gamer, oulala, qu'est-ce que ça m'a passionné. Et toi Chris, tu viens de racheter une console, c'est quoi, c'est la première, la deuxième Xbox que tu viens de racheter? Moi déjà je me souviens qu'on a pas dit ce qu'on devait voir, moi et Valentin, parce que Yanda est parti sur son histoire de pizza et je suis un peu vexé, parce que j'aurais bien voulu pouvoir dire ce que je voulais boire ce soir, mais pour la peine je ne le dirai pas. Tu vas faire comme d'habitude, tu vas boire nos paroles et ricaner dans ton coin. C'est vrai. Donc oui, j'ai racheté une Xbox 360, comme je l'avais dit dans l'épisode avec Punky, ma 360 a rendu l'âme juste avant le confinement, donc du coup il a fallu patienter un peu pour en trouver une autre. Tu veux dire qu'elle s'est mise à chanter « Je veux chanter pour ceux » C'est ça? C'est vraiment honteux. Je te dirais même que c'est lamentable. Qu'est-ce que je racontais? Faites pause, hein, faites pause sur le podcast si vous avez besoin de réfléchir pour comprendre cette vanne. Faites pause maintenant. Et puis quand vous l'avez, vous reprenez la lecture tranquillement, quoi, il n'y a pas de problème. On vous attend, on bouge pas. Donc oui. J'ai racheté une Xbox 360 parce que j'avais une assez grosse ludothèque sur ma 360 et ça m'embêtait de ne plus pouvoir y jouer. C'est bien parce que ça rejoint un petit peu le débat du dématérialisé qu'on va peut-être avoir prochainement. Teaser. j'ai pas suivi les annonces vraiment de près parce que je suis pas du genre à me taper des conférences de 3 heures pour voir une console à la fin. Moi j'attends de voir les spécificités sur le papier, le prix, voilà, j'ai pas besoin que le mec me raconte pendant 3 heures un discours commercial en fait qui est pas très original, quoi. C'est pour me dire que je peux avoir Netflix et écouter de la musique sur ma console. Waouh, mais c'est incroyable vraiment, mais alors le 21e siècle. Quelle époque de surprise. Ben voilà, non mais je veux dire en fait on va pas se mentir, il y avait eu juste avant les annonces pour la Xbox, la nouvelle Xbox, et puis après les annonces pour la PS5. Très sincèrement, ce ne sont jamais que des PC déguisés bloqués sur des OS constructeurs. Aujourd'hui, les consoles, à peu de choses près, on n'est plus à l'époque de la Super Nintendo et de la Mega Drive, quoi. Donc, en fait, en termes de possibilités, après, ça va être de la technique pure et dure. Ça va être l'image qu'elle va pouvoir te donner, la qualité d'image, la vitesse du jeu, etc. Mais y a plus vraiment de surprises comme à l'époque où on découvrait par exemple la première PlayStation qui lisait les CD ou les choses comme ça. On n'est plus du tout à ce stade-là, quoi. La PlayStation 2 qui était le premier lecteur DVD de plein de gens. Tout à fait. C'est vrai. Et la PS4 qui reste encore un des meilleurs lecteurs Blu-ray du marché, sauf erreur de ma part. J'ai vu passer cette anecdote ce matin, ça m'a fait rire, c'est les Xbox One Series X qui se vendent en ce moment comme des petits pains, qui ont fait un bond notamment dans les commandes sur Amazon parce que les gens se trompent entre la nouvelle Xbox et puis la série X, donc la précédente. Donc il y a plein de gens qui vont recevoir des vieilles consoles chez eux en pensant avoir fait l'affaire du siècle en la commandant chez Amazon. Bisous les copains. C'est vrai, c'est intéressant cette histoire de PlayStation 5 qui pour 100 balles de moins, tu n'as plus de lecteur. Donc c'est une mesure qui est quand même incitative. Est-ce que le fait de plus avoir de lecteur et donc de plus pouvoir posséder des CD et des formats physiques de tes jeux, est-ce que c'est un vrai bonus pour les joueurs? Est-ce que c'est un vrai truc intéressant pour les joueurs? Est-ce que c'est un vrai mot qui me manque pour faire cette phrase de façon correcte telle que je cherche à la formuler depuis tout à l'heure? Oui, tout à fait. En fait, t'as vu? Ouais. Mais avec cette console du coup full des maths annoncée, officialisée et donc du coup futurement mise en vente, ils franchissent un cap de façon claire et nette parce que aujourd'hui sur la PS4 avec le store, t'es déjà dans la possibilité de récupérer des jeux en démat via le store. Et là, c'est l'étape d'après qui prennent le pari de faire avec, je pense, effectivement une idée derrière la tête. On y viendra peut-être après. Mais là, c'est clairement, ils s'affranchissent purement et simplement du lecteur CD, donc c'est vraiment une console en full démat, pour aller peut-être chatouiller un peu les modèles de cloud gaming, etc., même si on n'est pas vraiment sur le même profil. Mais le cloud gaming, du coup, pour ceux qui sont pas aussi pointus que toi, pour ceux qui sont pas câblés, le cloud gaming, c'est une tendance, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces dernières années. Ça consiste en fait à utiliser un ordinateur de façon virtuelle, c'est-à-dire c'est une machine décentralisée. En fait, chez toi, tu as à la rigueur un ordi basique ou alors un boîtier qui est relié à Internet. Et en fait, tu utilises cette machine pour te connecter à une autre machine beaucoup plus puissante. Et c'est cette machine-là qui fera tourner tes jeux et qui, du coup, propose des capacités techniques assez bluffantes. Et tu payes ça avec un forfait, un abonnement mensuel ou annuel. Il y a Shadow, une entreprise française qui propose ça notamment, mais il y en a pas mal d'autres. Google a lancé son truc. Nvidia aussi a lancé son truc propriétaire. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions. En fait, de cloud l'idée, gaming. C'est... Tu ne rachètes pas un gros ordi de gamer, tu payes ton abonnement 15 balles par mois et du coup la machine est censée être mise à jour avec les normes techniques du marché. Et puis après, sur l'ordinateur qui physiquement n'est pas chez toi, il est dans un data center comme n'importe quel site web. Tout à fait. Sur cet ordinateur, tu installes les applications que tu as envie, tu mets ton client, Steam ou GOG ou Epic Game Store ou ce que tu veux, tu télécharges tes jeux directement dessus que tu as acheté, et puis les trucs qui sont sur l'ordi sont à toi, mais tu n'as plus à te prendre la tête avec la mise à jour, l'installation et la configuration de ton hardware. Et l'achat aussi en pur et dur de la machine et les éventuelles évolutions, puisque le jour où tu as envie de changer de stack technique, de matériel, en fait tu changes d'abonnement, tout simplement. T'as pas d'histoire de revente. Alors c'est du leasing d'une certaine façon, tu payes de la ressource plus que du matériel à proprement parler. Ça demande quand même un minima, une bonne voire très bonne connexion internet, mais au-delà de ça, le jour où t'as plus internet, t'as plus d'ordi, ni pour bosser ni pour rien faire, tu n'as plus rien, t'as même plus d'ordi pour envoyer une plainte à ton fournisseur d'accès. Exactement. C'est quand même dingue. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Je vois pas du tout comment ça pourrait mal se passer. C'est bon, on va avoir de la 5G partout, tu pourras te connecter tranquillement c'est vrai. Pour jouer. La promesse qui est faite, c'est aussi que tu puisses jouer avec ton téléphone comme si c'était un ordinateur de combat, quoi. Oui. Avec le cloud gaming, tu parles. Ouais, avec le cloud gaming. Ouais, ouais. Et donc là, pour moi, d'une certaine façon, à leur façon, Sony vient chatouiller un peu les joueurs et les amateurs de ce type de technologie, même si je pense qu'on est sur des PCistes convaincus, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce pari d'assumer, de dire on vous propose une console full des maths à 100€ de moins, donc en plus rendez-vous compte, c'est une affaire extraordinaire que vous faites, parce que tout le monde sait qu'un lecteur Blu-ray ça coûte cher et que donc c'est génial, la console en full des maths, c'est super, vous gagnez de la place en plus parce qu'elle est plus esthétique, elle est plus jolie, on a quand même fait un modèle avec le lecteur physique qui est à mon sens un petit peu plus disgracieux, et donc je pense aussi que ça c'est tout sauf non prémédité, mais du coup et tu veux donc dire que c'est prémédité. Exactement la double négation. Ouais, tout à fait, j'aime bien. Et donc la console en full dématérialisée, effectivement tu ne possèdes plus à proprement parler aucun jeu physique. Donc on est à l'étape d'après où là sur la PS4, comme c'est mon cas moi pour ma part, ayant une PS4 à la maison depuis quelques temps, j'ai certains jeux en physique et d'autres que j'ai téléchargés via le store et qui sont une partie en tout cas stockée sur ma machine, mais j'ai pas la copie physique, donc je ne peux en fait rien en faire, je peux pas les revendre, je peux pas les prêter, je peux pas faire ce que je peux faire avec mes jeux en physique. C'est une de ces sales manies qui vient du PC et qui a été instaurée depuis longtemps. Il y a déjà une dizaine d'années que quand tu achètes un jeu, alors je crois que c'est Darksiders, un des premiers qui m'avait fait ça, mais tu achètes le jeu en version boîte, tu as le disque, et en fait quand tu installes le disque, c'est une installation à travers le client Steam, donc il y a un shop de jeux vidéo bien connu évidemment, et en fait sur ton CD t'as rien, t'as juste l'accès à ce jeu à travers Steam, et il va falloir que tu tapes tes téléchargements et du coup en fait ton format physique il te sert à rien. Le jour où Steam se casse la gueule, tu perds ton jeu de la même façon, quoi. Du coup, je voulais revenir là-dessus parce que Valentin disait qu'avec Nintendo, il n'était pas concerné. C'est pas tout à fait vrai parce que Nintendo développe quand même de plus en plus le dématérialisé. Oui, notamment. J'ai jamais dit ça. Hein. je ne vois pas de quoi tu parles. Très bien. Sur la Switch, par exemple, t'as pas mal de jeux récemment qui sont sortis qui fonctionnent sur le même modèle. Par exemple, Overwatch sur Switch. Si t'achètes la version en boîte, t'as juste un code de téléchargement dans la boîte. Il y a pas de cartouche en fait. Il y a pas de cartouche Switch d'Overwatch, ça n'existe pas. Donc même sur les consoles Nintendo qu'on pourrait penser peut-être un peu moins portées vers ce type de technologie dématérialisée, bah, en fait finalement il n'y a pas de grande différence. Quoi. Mais alors à la rigueur, moi personnellement je suis tout à fait pour le dématérialisé chez Nintendo parce qu'ils ne savent pas protéger leurs consoles, ce qui me permet d'avoir une Switch craquée et de télécharger 500 gigas de jeux tranquillou bilou. Donc, très bien, j'appelle Adopi tout de suite. Je les préviens, ils sont en route. Ils arrivent. Ils viennent en J9, ça prend un peu de temps. Et du coup, alors je sais pas vous, mais j'ai eu moi une PlayStation 3 sur laquelle j'avais cet abonnement PlayStation Plus, et en fait tous les mois on t'offrait un jeu ou deux. Et puis après j'ai eu une PS4 sur laquelle j'ai eu le même abonnement PS Plus, ça coûtait pas très cher, bref. C'était intéressant. Et il y a quand même un moment où quand tu changes de console, bah tu passes de la PS3 à la PS4, tes jeux de PS3 tu ne peux plus y jouer. Alors que les jeux que j'ai sur Steam, si je les ai achetés en 2008, ils fonctionnent encore, tu vois, à peu près. Il y a même des magasins comme GOG pour PC qui ont fait leur beurre là-dessus, sur le fait de te revendre des vieux jeux que tu peux aujourd'hui, au pire en bidouillant un peu, mais réutiliser sur des machines actuelles. En l'occurrence, les jeux que tu as qui sont associés au store d'une machine, bah, le jour où ta machine est obsolète, le jour où tu changes de machine, le jour où ta machine tombe en panne, comme par exemple la Xbox de Chris, en fait, tu perds pas seulement ta machine, tu perds aussi ton catalogue de jeux complet, quoi. Et même si tu renouvelles, bah t'es baisé. Alors oui, non, parce que par exemple, là, tu vois, j'ai rallumé la nouvelle 360, je me suis connecté avec mon compte Xbox dessus. J'avais très peu de jeux parce que c'était pas encore vraiment courant à l'époque d'acheter des jeux en démat, mais j'avais quelques petits jeux en dématérialisé. Et j'ai pu les re-télécharger sans les repayer. C'est ce que je dis, parce que t'as une machine, t'as la machine. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, mais bon, après, ça reste, c'est comme si t'as un catalogue Steam blindé de jeux et que t'as plus de PC. Il y a un moment où il faut forcément du hardware quelque part quand même encore au bout de la chaîne. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu changer de PC et continuer à utiliser mes jeux. Ah oui, voilà, c'est pareil, il faut juste le même modèle de console, quoi. C'est la... Il n'y a pas de rétro-compatibilité assumée. Mais après, il y a... Pas pour l'instant, en tout cas. Il y a plusieurs trucs. Sur la Xbox, déjà, il y a ce système d'offres, enfin de jeux offerts tous les mois. Je trouve, moi, est quand même un petit peu plus avantageux sur Xbox, puisque les jeux sont réellement offerts. C'est-à-dire que même si après, tu arrêtes ton abonnement mensuel payant, tu as encore accès à ces jeux-là. Sauf que sur PlayStation, non. Si tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus accès à ces jeux offerts les mois précédents. Donc ça, c'est une petite nuance et qui est quand même assez importante. Mais il y a effectivement cet aspect technique dont tu as parlé, Matt, pour une raison technique, tu ne peux plus accéder à ton catalogue de jeux. Mais il y a aussi une autre raison un petit peu plus, à mon sens, vicieuse et pernicieuse. C'est une raison que du jour au lendemain, le constructeur, ou en tout cas le propriétaire de tes jeux qui te loue les accès, peut décider pour X ou Y raison que non, t'as plus accès à ces jeux-là, parce que lui, il a décidé de retirer le jeu de son catalogue de online. Il décide que t'as plus accès, et puis t'as plus accès, et point, quoi. Et c'est la même conclusion, t'es niqué, t'as plus de jeu. Mais voilà, il peut aussi décider, au-delà de toute considération technique, ça peut être des considérations plus mercantile et financière, décider que ce jeu-là, ils l'ont suffisamment rentabilisé où il n'y a plus assez de téléchargement, on le vire du catalogue, et puis les gens qui l'ont récupéré, je fais vachement bien le sound effect, les gens qui l'ont récupéré, ils sont niqués et ils l'ont plus, quoi, et ils n'y ont plus accès. Et c'est la même baise au final, tu n'as plus le jeu pour lequel tu as payé. Alors certes, tu as payé moins cher, mais tu as quand même payé, et tu payes un accès au service que beaucoup plus que le produit en tant que tel, et ça, c'est quand même un peu gênant. À mon sens. Bah, c'est un peu gênant, surtout qu'il peut, se passer plein de choses. Bah oui. Tu peux avoir des gens effectivement qui retirent leur accès au jeu. Tu peux simplement avoir des boîtes qui font faillite. Hein. Je vous rappelle qu'on a connu il y a quelques années un constructeur de consoles qui s'appelait Sega, dont on n'a plus tellement de nouvelles. Alors qu'il était censé être plus fort que toi, donc c'est pour te dire. Il était tellement fort. Ouais. Il se la pétait un peu. Pareil, la Jaguar d'Atari, tout ça, ça la Lynx, tout ça, on n'a plus Atari en machine, on n'a plus grand-chose, quoi. Enfin, ça fait partie des trucs qui ont disparu. Le jour où ça se passe vraiment mal, tu vois, où un des deux constructeurs devient le maître du monde, et par exemple, Sony arrête les jeux vidéo, ou Microsoft, tu perds ton catalogue complètement, quoi. Le jour où tu te fais hacker ton compte, ou alors tu te fais ban, tu perds aussi l'ensemble de tes jeux, parce que tu as dit une fois un gros mot sur un service en ligne. Le jour où la politique industrielle de ton pays fait que, en fait, tu n'as plus accès, par exemple, aux services américains parce qu'on fait du protectionnisme, tu perds complètement ton catalogue Xbox aussi. On fait pareil avec Sony. Enfin, il y a plein, ça devient hyper touchy. Il y a plein de raisons qui font que, alors que ma cartouche de Tetris dans ma Game Boy, là, je peux vous faire une démo, elle marche encore. Et oui. Profites-en tant qu'il y a des piles, c'est quand les piles seront interdites. Tu l'auras dans l'os. Déjà, j'ai eu peur une fois, elles ont coulé dans la console. Ah, je vous raconterai. Ah, ça m'est arrivé aussi, ouais, c'est ouf. Et c'est rigolo parce que ce sujet. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, hein. Ce sujet du full des maths, je trouve, aujourd'hui, passe vachement mieux qu'il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'annonce, enfin, du coup, avant, au moment des annonces de l'arrivée imminente de la Xbox One. Donc il faut remonter un petit peu avant. Xbox avait envisagé cette solution aussi de console, alors pas full des maths, mais quand même très orientée dématérialisée. Et finalement, ils ont sorti une version physique avec un dématérialisée. Après, ça avait gueulé de ouf. Ça avait gueulé de fou. Là, sur la Xbox One actuelle, le dernier modèle sorti n'a pas de lecteur. D'accord. Ah, j'avais pas suivi. Mais... il me semble que c'est la One S, il me semble, de mémoire. Mais t'as raison, Yanda, c'est une évolution, mais c'est parce que ça touche pas que les consoles, et c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps, et que les gens et les nouvelles générations ont complètement intégré, en fait, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de dire ça aujourd'hui qu'il y a même encore 5 ans, parce que tout va très vite maintenant. Mais avec, c'est tout bête, mais par exemple, les services de streaming, Netflix, Amazon Plus, Amazon, comment Prime. Amazon Prime. Et Disney Prime. Exactement, yes. Voilà, c'est ça. Il y a de plus en plus de domaines où en fait le démat est acquis et même demandé, et donc du coup les constructeurs de consoles se disent à juste titre, commercialement parlant, que c'est le moment d'y aller et que les gens voient beaucoup moins frileux maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans, quoi. Ouais, après c'est quand même bon pour la planète parce qu'on consomme plus de silicium, on fait plus de galettes, on n'a plus besoin de jeter des disques qu'on a fait pour rien, hein. Je sais pas comment elles sont alimentées tes fermes de serveurs, mais pouyouyou, sans doute pas avec de l'éolien. Pas en silicium en tout cas, ça c'est sûr, mon petit gars. Ouais, il y a un vrai débat autour de l'écologie, hein, sur ces modèles-là, parce qu'on sait que les serveurs, ça consomme beaucoup, donc l'argument écologique qui pourrait être mis en avant. C'est ce qu'on veut te faire croire. Non, mais toi, tu marches. L'argument écologique qui est souvent mis en avant, c'est genre, il n'y a plus de boîtiers, il n'y a plus de CD, il n'y a plus d'invendus aussi, parce que ça existait. Mais effectivement, oui, les fermes de serveurs, je pense que ça consomme pas mal. Alors après, il faudrait voir, on n'a peut-être pas beaucoup de recul encore sur ce genre de fonctionnement-là, parce qu'il y a 10 ans, ça existait quasiment pas. Donc, est-ce que quand tout le monde jouera en cloud gaming et que tout le monde sera devant Netflix, est-ce que la surconsommation, consommation électrique nécessaire deviendra pas complètement exponentielle aussi? Ça se mesure déjà, hein, de toute façon, effectivement, la consommation énergétique de tout ça est déjà mesurée. On sait déjà que c'est énorme, que la tout ce qui est service de streaming et de cloud et tout ça, c'est un pourcentage très élevé de la consommation globale d'électricité et d'énergie. Es-tu sûr que ce n'est pas un complot pédo-satanique? Parce que j'ai quand même quelques doutes. Je suis malheureusement sûr de rien, et c'est ça qui est terrible. Très bien. Je ne sais même pas si tu es un reptilien ou un humain, tu vois, je ne sais pas, je ne sais plus. Peut-être que je suis simplement le seul sur Terre. Chauve. Et que je suis... j'en suis sûr, par contre. Si ça se chauffe, je suis. Mais ouais, peut-être que je suis dans une télé-réalité et que je suis le seul mec qui ne sait pas qu'il est dans cette télé-réalité, tu vois. Peut-être, je ne sais pas. Tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. Que les serveurs consommaient beaucoup d'eau. Ouais, c'est ça. Et puis que, ouais, alors c'est dommage aussi, ça, le problème avec le démat, c'est que ça tue, c'est une nouvelle pierre dans la gueule du marché de l'occasion et de toutes les petites boîtes sympas qui faisaient de l'occasion et chez qui on pouvait trouver des jeux pour pas très cher, des vieux jeux certes, mais des jeux pas très chers. Je recite Punky, il y a deux numéros ou trois, je ne sais plus, du coup, avec ce numéro fantôme, qui disait que bah, lui, il n'achète ses jeux qu'en occasion, en fait. Et donc, du coup, il y a des gens qui n'achètent leurs jeux qu'en occasion par principe ou surtout par manque de moyens, en fait. Et donc, malheureusement, bah, si tu dématérialises tout ça, tu ne peux plus aller farfouiller et chiner des bons petits jeux d'occasion et puis même revendre tes jeux auxquels tu ne joues plus et avoir un rabais sur les jeux que tu vas acheter en échange, etc. quoi. Donc bon, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est marrant, quoi. On est aussi dans une période où on commence à reconnaître, ça a été difficile, mais on commence à reconnaître auprès du grand public le jeu vidéo comme une forme d'art et comme étant un média qui a une histoire, qui a sa propre culture et ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on supprime complètement tout ce qui pouvait être archive du jeu vidéo et qu'en fait on fait perdre complètement la mémoire à cette discipline artistique, quoi. Mais d'une certaine façon, on transforme aussi ça en objet d'art dans le sens où finalement, les seules versions physiques qui vont perdurer, c'est peut-être les éditions collector, tu vois, avec des statuettes, avec des objets. C'est un peu comme la BD, on parlait l'autre jour là des éditions collector chez Urban. En fait, les collectionneurs de jeux vidéo vont être obligés, de gré ou de force, de se tourner vers ces éditions collector qui vont être peut-être les dernières éditions physiques. C'est-à-dire que si tu veux un jeu vidéo, bah, soit tu le téléchargeras à 60 balles en dématérialisé, ou faudra acheter la version à 120 balles en physique avec tous les goodies, mais par contre effectivement faudra payer le prix fort si tu veux un vrai jeu dans tes mains, quoi. Si tu veux avoir la carte avec le code de téléchargement, tu veux dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est fort probable aussi, mais le code il sera mis sous le pied de la statuette. Ouais. Ouais. Ça va être tout à fait formidable. Bon, du coup nous on y croit pas, en fait, c'est ça. Vous êtes contre le progrès, en fait. Vous aimez pas la dématérialisation. J'y crois dans le sens où je pense que ça va évoluer encore plus vers le démat et le tout démat et qu'on avance vers ce chemin-là. Par contre, je suis contre. J'y crois, mais je suis contre. Voilà. Parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ah, pas mieux. Je suis un peu boomer aussi. Hein. Vas-y, Chris, je t'en prie. J'y crois, mais je m'excuse quand c'est Yanda que je coupe parce que bon, c'est. Voilà. Quand même. qu'est-ce que je raconte? Ouais, j'y crois, mais en fait, je crois surtout que le modèle recherché par les constructeurs de consoles avec la nouvelle Xbox ou la nouvelle PS5, c'est aussi la fidélisation, tu vois. C'est le côté, parce que certes, il y a le dématérialisé, tout le monde dit, ah, je peux plus prêter mes jeux, je peux plus les revendre. Alors moi, je suis un connard, je prête pas mes jeux, donc je m'en bats les couilles. Mais, mais tu vois, il y a ce côté en fait où aujourd'hui, bah oui, on va vers le dématérialisé. Et comme tu le disais, quand tu auras un catalogue blindé de jeux, alors peut-être que là justement ils feront jouer la rétrocompatibilité. Quand tu auras un catalogue blindé de jeux sur le PS Store, peut-être que tu auras pas envie à la prochaine génération d'acheter une Xbox parce que ça voudra dire perdre potentiellement tous tes jeux qu'on te promettra sûrement cette fois-ci dématérialisés et rétrocompatibles. Et du coup, comme derrière, comme le disait Yanda, ils visent un petit peu le cloud gaming, même si on n'y est pas encore pour des tas de raisons techniques, parce que tout le monde n'a pas la connexion parce qu'ils ont peut-être pas encore tous les serveurs pour mettre tout le monde au cloud gaming, mais et ben mine de rien, ça devient des abonnements, et tous les gens que t'auras fidélisés avec ce catalogue du store blindé de jeux qu'ils auront payé en dématérialisé, et ben ils vont prendre un abonnement, et une fois que t'auras un engagement, tu sais, c'est un peu comme ton vieux forfait mobile que t'as depuis 20 ans et que t'as du mal à changer alors qu'il y a plein de trucs plus intéressants, mais ça te fait chier de faire la démarche, ça te fait chier de refaire tes contacts. Alors Matt, toi non, parce que t'es un peu paranoïaque, donc tu changes de numéro tous les 3 jours, mais t'es un salaud, parce que j'ai dû changer il y a 5 semaines un numéro que j'avais depuis 99, et ça m'a bien gratté au niveau du rectum. Bah tu vois, voilà, ça t'a fait chier, ça fait longtemps que tu l'avais, et bah là ça serait un peu la même. Je pense que les gens prendront leur petit abonnement PlayStation ou Xbox, puis quand t'auras 50 ou 100 jeux que t'auras payé plein pot, parce que le dématérialisé n'est pas moins cher, rappelons-le, hein, t'as pas de boîte, t'as pas de CD, mais ton jeu coûtera quand même 80€, hein, donc je veux dire, il y a quand même un moment où faut pas nous prendre pour des cons, et ou en tout cas que l'argent aille au bon endroit, qu'il aille aux développeurs, aux designers, etc., et pas dans la poche éventuellement des constructeurs de consoles. Mais toujours est-il que je pense que le but là avec cette génération là il va être de fidéliser les gens Pour être sûr que le gars qui achète une PS5 achète une PS6 ou que le gars qui achète une Xbox X Series ou je sais pas trop quoi, là faudrait qu'il trouve des vrais noms de consoles chez Microsoft. Ils ont fait tous les X et les S possibles là, c'est marrant. Ouais, achète la suivante. À mon avis, le but pour l'instant il est là, il est pas encore de mettre les gens à un abonnement, peut-être pas encore, peut-être sur la fin de vie de ces consoles là, parce que maintenant les consoles ont quand même des durées de vie assez rallongées, parce que bah en fait techniquement on est un peu arrivé aussi au bout du truc quoi, c'est ce que je disais, c'est juste des PC gamer qui sont emballés dans une belle boîte et avec un système d'exploitation constructeur quoi. En vrai, il y a pas vraiment de plus-value. Si t'achètes, alors c'est moins cher qu'un très bon PC gamer, sauf que c'est aussi beaucoup moins polyvalent. Puis pour le coup, c'est des systèmes fermés, là où un PC te laisse quand même beaucoup plus de liberté. Mais je pense vraiment que là, le but, ça va être de fidéliser les gens et de dire, alors c'est déjà plus ou moins inconscient. Hein. Il y a des gens qui achètent les PlayStation depuis la première et qui pour rien au monde n'auraient changé. Mais à chaque nouvelle sortie, on disait ah t'es plutôt PS5 ou plutôt Xbox machin truc. Et ben la prochaine fois, on te posera plus les questions parce que si t'as un abonnement sur PlayStation et que tu veux garder tes jeux, il faudra acheter la prochaine PlayStation. Voilà, je pense que le nerf de la guerre, il est plus dans la revente ou dans tout le monde voit ça en mode je peux plus prêter mes jeux, mais je pense que les constructeurs ils sont déjà dans le futur et que dans le turfu comme diraient les jeunes, hein, et que ce qu'ils voient c'est qu'ils veulent te prendre ton pognon pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années peut-être même. Donc ouais, c'est plutôt ça le truc. Et pour en revenir au dématérialisé, j'ai vu ça récemment là. Il y a une série Dark Crystal, je change un petit peu, on parle de série, mais il y a une série Dark Crystal sur Netflix qui était vraiment sympa. Et en fait, Netflix, faute de résultats visiblement, enfin en tout cas d'audience et tout, a décidé de ne pas produire de deuxième saison, ce qui a plus ou moins vénère les fans. Et comme l'a si bien dit Durandal, je crois, sur les réseaux sociaux, eh ben il suffirait que Netflix aujourd'hui se dise bah cette série-là a prendre la place sur nos serveurs, personne la regarde et de toute façon on fera pas de saison 2, on la supprime, pour qu'elle disparaisse totalement, puisque pour l'instant il y a pas de version physique, il y a qu'une version de la série sur les serveurs de Netflix, et comme ils ont pas l'air d'être super emballés par l'existence de cette série qu'ils veulent pas produire de suite et qu'elle doit pas être trop revisionnée actuellement, voilà, ça prouve la limite du dématérialisé, c'est que si l'opérateur, si je puis dire, celui qui détient les serveurs et qui détient les jeux ou les séries qui sont dessus, décide de les supprimer, bah toi t'as kiffé la série mais tu pourras jamais la revoir. Alors c'est comme quand on était petit qu'il y avait une série qui passait sur TF1 et qu'à l'époque il n'y avait pas de VHS ou de DVD, hein. Sauf que là, bon bah d'un point de vue éthique, on sait que c'est possible en fait de mettre ça à disposition des gens, et donc c'est vraiment un choix de ne plus le mettre à disposition. On n'est plus dans une diffusion live. Code Quantum, c'est là dans nos mémoires, dans nos cerveaux. Code Quantum, je pense qu'il y a des coffrets DVD, hein. Je pense que là c'est toi qui fais pas l'effort, mais dans le futur ce sera l'histoire se répète, hein. Il y a des épisodes de Doctor Who que la chaîne qui produisait la série avait complètement supprimé et bazardé, et en fait ils ont retrouvé ces épisodes là chez ils ont fait un appel dans une cabine téléphonique aux gens, non des gens qui avaient enregistré à l'époque les épisodes, ah. Et donc ils ont retrouvé des parties de ces épisodes là des tout premiers épisodes de Doctor Who qui étaient censément perdus chez ces gens là pareil pour Metropolis aussi, le film de Fritz Lang, oui, où ils avaient retrouvé des bouts, comme ça, voilà, où ils ont retrouvé des bouts dans des archives perdues au fin fond de je sais plus où, et ils ont retrouvé ces morceaux de films là, et ben qui sait, peut-être que des gens se disent la même chose, se disent ah ben peut-être que Netflix va supprimer cette série, je vais vite l'enregistrer sur un disque dur, et du coup peut-être que dans plusieurs années je pourrais te revendre Netflix... Bah c'est ça, ou alors juste se dire bah voilà, Netflix a tout supprimé, je sais qu'il y a encore des fans, mais hey, moi j'ai un disque dur où j'ai tous les épisodes dessus, et voilà quoi. Bien, on verra, mais comme on n'aura plus la technologie pour lire ces disques durs là, et bah on sera niqué. Du coup, voilà. c'est d'autant plus rigolo parce que Dark Crystal ça parle justement de l'appropriation des ressources, tu vois, et de la domination d'une ressource élémentaire pour tout le monde. Oh, t'es donc, chiant, coup, t'es chiant, Dark Crystal, c'est un truc de Rick Fantasy avec des marionnettes, viens pas nous casser les couilles avec tes ressources là. Non mais c'est intéressant, tu vois, ça tombe plutôt juste en fait. Voilà, bref. Excuse-moi d'avoir voulu amener un petit peu d'intelligence dans cette émission. Et c'est où le dernier endroit incongru où vous avez fait caca alors? Quel enfoiré. Non, moi j'étais plutôt sur une vanne en mode même des séries qui fonctionnent n'ont pas de sortie en coffret DVD, tu vois, genre Watchmen par exemple, il n'y a pas eu de sortie en coffret DVD. Ah, sinon bah tu l'aurais sûrement reçu, Chris, en tant qu'activiste de Watchmen et tout. C'est si, drôle. Si ça avait c'est existé. Drôle. Enfin voilà, moi j'étais plutôt sur ce genre de vanne là, mais. Non, j'ai dû acheter mon coffret DVD comme un pauvre mortel. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, je veux dire, voilà. Mais. Attends, non, juste par contre, je suis sérieux et un peu naïf. C'est des Blu-ray, c'est pas des DVD. Oui, j'ai pris le Blu-ray le Steelbook en fait. J'ai pris le Steelbook en Blu-ray, effectivement. Je n'ai pas pris là. J'ai cherché le coffret VHS, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai peur, ouais, c'est ça. C'était vraiment dommage. J'aurais bien voulu avoir un épisode par VHS, ça aurait été sympa, quoi. Tout se perd. Comme X-Files. L'intégrale de X-Files qui faisait 13 mètres. Enfin, c'est d'être un cœur en VHS. Imagine celui qui a l'intégrale de Dallas en VHS. L'intégrale des Feux de l'amour en VHS. Ça fait combien de VHS d'après toi? Je sais pas. Les Feux de l'amour, c'est celle qui est toujours pas terminée, c'est ça? Qui est en ongoing depuis 30 ans? Je crois que ça continue. Ça continue, mais genre en France, on doit avoir au moins 5 ou 6 ans de retard déjà sur la diffusion américaine. Donc on a une marge énorme, je crois. T'imagines les mecs qui voudraient rattraper les Feux de l'amour, faut qu'ils se tapent 2 épisodes par jour pendant genre 8 mois? Non, mais plus je pense que c'est. Ouais, et plus que pendant 8 mois. En vrai, je pense que c'est beaucoup trop long. Que personne ne fait ça. Au secours. Au secours. Et tu crois qu'il y a un feu de l'amour Newman avec des spoilers sur Twitter et tout, avec des mecs qui gueulent parce qu'il y a des mecs qui vont. Je suis sûr qu'il y a un fil Reddit. Tu sais que Victor Newman, parce qu'il y a plein d'anecdotes assez ouf sur cette série, on est en train de parler des Feux de l'amour, c'est assez extraordinaire. Il y a un mec qui a c'est toi qui trouvais qu'on était trop intelligent. C'est vrai. Il y a un mec qui avait fait la liste de tous les trucs ultra what the fuck, parce que forcément la série dure depuis 30 ans, donc il y a un moment les gars ont un peu tourné en rond, et genre Victor Newman, il a eu 3 vasectomies. Voilà. Et à chaque fois entre deux, c'est plus ou moins volontaire, plus ou moins accidentel, mais genre une fois il y a vraiment une vasectomie, en fait après il a des enfants, un jour il a un accident de voiture, il devient stérile, mais en fait après il a des enfants, et ainsi de suite. C'est assez extraordinaire. Bah il a des gamètes extrêmement puissants, voilà. C'est une il est sorte très très vieil, Victor. Il est très vieil. On est pressé de voir ça en DVD. Tu peux nous faire une petite compile, ce sera cool. Écoute, je vais demander un steelbook des meilleurs épisodes des Feux de l'amour. Demande pas, ouais, si c'est pas Warner, t'as des chances de l'avoir. On verra. Moi j'ai toujours été très attaché. Transition. Au support physique et au CD, au DVD et tout ça. Et j'ai encore les CD de quand j'étais petit. Genre les premiers CD un peu CD de la honte que ta mère t'a acheté, que tu... Non, tu veux dire les vinyles de quand t'étais petit, parce qu'on te connaît, on sait l'âge que t'as. Les donc, cylindres, les cylindres de cire. Alors, mon premier disque, effectivement, c'était j'avais 2 45 tours quand j'avais 2-3 ans. Ça faisait 90 tours donc. Il y a deux faces. Et du coup, 180. C'était wow. Aline de Christophe et la danse des canards de ce bon Gigi Lionel, merci. Et du coup, la légende voudrait, bisous maman, que ces deux personnes soient la même personne. Gigi Lionel et Christophe. Et des fois, ils se trompaient de répertoire, c'était une galère. Quand ils se mettaient à chanter Aline sur la musique de la danse des canards, c'était l'enfer. Donc la légende voudrait qu'à 2 ou 3 ans, je me baladais avec mes 45 tours sous le bras et que dès qu'on allait chez quelqu'un, les parents, enfin les amis de mes parents notamment, j'insistais très fort pour qu'on mette l'un de ces deux disques que je chantais à tue-tête devant le petit pick-up avec cette voix d'enfant qui te fait regretter de ne pas avoir trouvé de contraceptif ce jour-là, en fait, tout simplement. Hein, c'est comme ça que tes parents ont perdu tous leurs amis d'ailleurs. Après ça, c'est ça. Ouais. Non, il y en a un qui les a gardés, parce que comme ils sont séparés, il y en a qu'un seul finalement qui était handicapé par ce petit boulet de viande qui chantait fort. Non. Après, sur les premiers CD, le premier CD que j'ai acheté, ça doit être celui de Billy the Kick et les gamins en folie. Genre mangez-moi, tout ça, en 94. Mais avant, parce que tes parents, ils t'achètent des CD un peu pour te faire plaisir de la musique que t'as demandé, en fait, ou de la musique qu'ils ont pensé que t'aimais bien. On voulait faire des booms. Alors, je peux te dire que des studios nightclub, des Nuits Trans volume 9, des trucs comme ça, j'en ai plein, quoi. Et ma mère, elle voulait faire plaisir, elle avait trouvé des compiles qui étaient en fait des compiles genre pas chers, genre dans les bacs de soldeurs à 3 balles et tout, avec que de la musique. Putain, mais un jour, je vous mettrai les trucs, il y a que de la musique pétée. Genre, il y a une compile, je l'ai encore, et il y a une compile de rap avec des morceaux qu'on évidemment jamais percé, mais que des morceaux pétés, quoi. Enfin, il y a un morceau qui commence avec un mec qui scratch sur « Qui a peur des petits cochons ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est les années 90, on a souffert. Donc première boom quand t'as un seul CD de 8 titres et que c'est ça. Non, c'était pas bien. Mais t'as chopé là-dessus ou pas? Non, mais j'ai pas chopé tout de suite, moi. Tu sais, j'ai attendu un peu sur cette époque-là. Non, mais cette époque où j'ai attendu la fin de Ace of Base. J'ai eu Ace of Base comme CD aussi, que j'ai écouté très sérieusement, Ace of Base, en jouant à Super Mario World. Ça, c'est normal. Ace of Base. Ouais, c'est la base, aimé, Ace of Base. Et puis, ouais, ouais, le premier, moi, le premier que j'ai acheté, c'est Billy the Kick. C'est quoi votre premier CD, les Amish? CD, alors moi, je sais la première cassette que j'ai eue. Première cassette audio. Ah oui, bah oui, attends. Ouais, c'était. J'avais pas pensé aux cassettes. Attends, je vais rechercher dans ma mémoire aussi. C'était l'album de MC Solar. Pros Combat. Ouais, Pros Combat, ouais, exactement. Yes, en cassette. Ça m'a marqué parce que ouais, c'était la première cassette. Pour expliquer ce qu'est une cassette audio pour les plus jeunes qui nous suivent. Alors, une cassette audio, c'est quelque chose que tu rembobines avec un crayon. Jeune voilà, insolent. Exactement. Alors, la cassette audio, c'était quand même la meilleure invention parce que c'était en plus un format, donc c'était magnétique. Le truc n'était pas fixé dessus, tu pouvais l'effacer et tout ça machin. Ouais. C'est ce petit format avec une bande au milieu et tout. Et c'est surtout un format qui était réenregistrable. Et du coup, quand tu achetais ta cassette, il y avait deux petites languettes de sécurité qui étaient cassées, mais si tu mettais un petit cache par-dessus, type un bout de scotch, tu pouvais réenregistrer sur ta cassette du commerce. Autant te dire que ma cassette de Gotenner de quand j'étais petit, il y a des passages karaoké où avec mon frère on a mis un coup de scotch, et puis il y a le refrain où tu fais rec play, et c'est mon frère et moi à 8 ans qui chantons les refrains de Gotenner sur cette... voilà. Yes. Le taquin excellent. Et la grognon, je peux te dire que j'ai mis longtemps avant de découvrir quel était le vrai refrain, parce que en plus c'est la cassette que tu réécoutes, donc bah tu c'est la cassette que tu entends, que tu apprends par cœur, donc c'est cette version là qui se grave dans ta mémoire, donc voilà. Moi j'ai toujours cru que j'avais enregistré le taquin et la grognon avec Richard Gauthier très tard. Moi j'avais beaucoup de cassettes de je suis le plus jeune d'entre vous hein, je le rappelle ici. Donc c'était beaucoup de cassettes de Disney, Connard. De choses comme ça. J'avais notamment une cassette des Aristochats racontée par Louis de Funès. Donc une cassette du film Les Aristochats où il y avait des extraits de films de Louis de Funès des extraits de films du dessin animé des Aristochats pardon sur la cassette. Et puis pour expliquer ce qui se passe, il y a Louis de Funès qui te raconte l'histoire. C'était assez chouette. Non mais ça mais c'est surtout ouf, ce format-là, quand il pense. Les films sortaient en format audio. Oui, oui. C'est moi, le film Le Trou Noir de Walt Disney, je le connais que en 33 tours audio. Et les seules images que j'ai vues, c'est les photos qui sont dans le livret du disque, quoi. Mais oui, oui, parce qu'il y avait aussi. Alors, il y avait ce le livret. Incroyable pour un trou noir. Mais enfin bon, du coup, je vais pas encore partir dans un débat un peu trop métaphysique. Mais du coup, c'est ouf. Tu te rends compte? C'est dingue. Mais à part, t'avais aussi des qui n'avaient rien à voir avec la cassette, mais t'avais aussi les bouquins qui te reprenaient des images du film avec un texte à côté et tout. Et donc, en combinant le livre et la cassette, tu pouvais te refaire le film sans images qui bougent. Oui, parce que cette recette marchait beaucoup moins à l'époque des films muets. Ouais. Beaucoup moins vendeur. Ouais, complètement. Mais attends, et des vinyles muets, ça c'était quand même la grande révolution, quoi. Le génie. Mais en tout cas, moi, les cassettes, effectivement, j'ai enregistré des choses aussi dessus. Outre les émissions de radio que j'enregistrais un peu, j'ai surtout enregistré énormément de 2 minutes du peuple qui passaient sur Europe 2. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 6 ans, j'ai appris énormément d'insanité parce que je me passais les capsules audio en boucle que j'avais enregistrées pendant des jours sur les cassettes, des cassettes de... Ouais, d'une heure, 2 fois 30 minutes. Et donc du coup j'écoutais ça en m'endormant. Donc autant te dire que mon cerveau travaillait pas mal la nuit. Et c'est pour ça que je suis complètement baisé maintenant de la tête. Mais alors c'est une très belle histoire que tu nous racontes, Valentin. Sauf que tu as complètement noyé le poisson. Donc revenons au sujet de cette discussion. Quels étaient les groupes dont tu n'es pas forcément très fier aujourd'hui, mais que tu as vraiment aimé quand tu étais petit, au point d'acheter le CD, quoi? Ou la cassette, ou l'album? J'en ai deux. J'ai deux souvenirs de ça. J'ai un CD de titres de ce qui passait à l'époque. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Ah mais l'époque n'est pas une excuse, Valentin. Ah si, là, j'espère que si, parce que est-ce que Undos Tres, ça vous dit quelque chose? C'est Ricky. Ricky, absolument, Ricky Martin. Ricky Martin, donc Undos Tres. Apparemment, j'aimais bien ça quand j'étais petit, et donc mes parents m'avaient acheté le CD de titre. Voilà. Bon, je n'ai pas réécouté le morceau depuis, donc peut-être que c'est très bien, hein, mais j'ai un doute quand même. Et l'autre, le vrai CD, le vrai album avec une dizaine de morceaux. Ça aussi, dis donc, poulala, quel voyage dans le temps que nous avons là. C'était Aqua. I'm a Barbie Girl, mais notamment. Oui, Aqua, voilà. Et ça, je me souviens très bien. C'était, je crois vraiment que c'était pour le coup le premier CD qu'on m'a acheté où j'ai choisi. Ah oui, moi, maman, je veux celui-là. Et j'ai un flash de moi dans le magasin avec le CD qui passe à la caisse et j'étais trop content parce que oh là là, on m'achète un CD et tout, trop bien. Donc voilà, c'était ça mon premier vrai CD. C'était Aqua avec le morceau Barbie Girl du coup dessus. Je vous laisserai réécouter aussi. Ce chef-d'œuvre. Tu l'as vraiment pensé, tu l'as écouté, t'étais content. Ouais, absolument, absolument. Après, il y a eu Mano, ça, j'en suis un peu, enfin, je suis moins honteux, beaucoup moins, parce que je trouve ça toujours. Non, cool. Mano, plutôt... Mano, en vrai, tout le monde rigole de Mano, la tribu de Dana, tout ça, mais si t'écoutes les textes de plusieurs de leurs chansons ouais. au-delà de la tribu de Dana, il y a des vrais textes ouais. assez engageants chez Mano. Engagés même et tout. Non, franchement, c'est chouette. Il y en a un qui dit Eh oh, le nouveau son de Mano. C'est vrai. Oui, alors c'était vrai. Pas le meilleur, effectivement, merci, mais... Non, les deux premiers albums sont bien. Enfin, c'est les deux seuls que j'ai écoutés, d'ailleurs, mais les deux premiers sont bien. Vous savez que le mec de Mano, c'est un mec de Sky Rock, de la radio. Il était, il était un producteur, enfin, il bossait notamment sur l'émission de Maurice, en fait, à l'époque. Alors, bienvenue dans les années 90. Là, on est en 95, Skyrock, c'est au Forum des Halles. Et le mec bosse à la radio, et voilà. Skyrock n'est pas une radio rap à l'époque, hein. Pas du tout. Elle n'a pas encore fait son virage. Et Parce que tu veux dire que le mot rock dans Skyrock, ça a une signification ? Arrête. C'est ouf. C'est dingue. Et donc voilà. Je n'ai pas de fin à cette anecdote. Très bien. Merci. Moi, mon premier souvenir musical vraiment d'un CD ou d'un vinyle en l'occurrence que j'ai usé, il n'était pas à moi, c'était Somewhere in Time d'Iron Maiden, un album que je sais pas pourquoi quand j'avais genre 4-5 ans, me fascinait notamment à cause de sa jaquette avec... Ouais, voilà. Et du coup ça, je l'ai pas mal fait tourner sur la chaîne, la chaîne... l'amphi familial hein. Voilà. Et après, sinon, dans mes premiers vrais CD gamins, ça devait être genre des génériques du Club Dorothée, je pense. Tu vois, je pense que ça, j'ai eu plusieurs. Je les ai encore d'ailleurs, les CD avec les génériques du Club Dorothée. Et ça, c'est des trucs, voilà, que j'ai eu vraiment tout petit. Mais après, le premier vrai CD que j'ai acheté et que j'ai, alors là, fait tourner des milliers de fois dans mon baladeur CD, n'est-ce pas ? Ton Discman ? Souvenez-vous, non, moi j'étais pauvre, j'avais pas un vrai Discman, j'avais un baladeur CD, excuse-moi. C'est Hybrid Theory de Linkin Park, voilà. Et encore aujourd'hui, ça j'en ai pas honte du tout, parce que c'est un excellent album. Très bien, ouais. Et même 20 ans plus tard, je prends encore beaucoup de plaisir à l'écouter. Je l'ai d'ailleurs racheté en vinyle, parce que maintenant je suis un trentenaire, hein, j'ai des goûts de trentenaire, j'achète des vinyles, hein, voilà. Ben oui, j'achète des vinyles. Pauvre mortel. Et il y a des plans de prod sur Hybrid Theory en particulier qui sont assez dingos en fait. Vraiment. Mais à l'époque, c'était, ça a quand même largement participé à lancer tout un courant musical, même si c'est pas les seuls à avoir fait ce genre de truc. Tim Noir, Spencer, Plémo, tout ça. Oui, alors là, on est plus dans les ersatz, effectivement. Mais ouais, si on accepte aussi Deftones, qui était là un petit peu avant, Linkin Park, ils ont vraiment lancé une tendance musicale qui a été extrêmement suivie. En tout cas, ils ont été une figure de proue du new metal, hein, et même au-delà de ce courant-là qui est souvent un peu caricaturé. Enfin, il y avait musicalement des tas d'idées qui ont été reprises par la suite, quoi. Donc je n'ai pas du tout honte de ce premier album. Voilà. La figure de proue, ça me fait rire parce que proue, ça me fait penser à prout. Voilà, il fallait remettre un peu de baisse de QI dans ce podcast beaucoup trop sérieux. Prise de 2013, même quand il parle de ses premiers CD, il n'y a pas de casserole, quoi. C'est un scandale. Par contre, ouais, c'est... Le mec a bon goût. Alors, dès son premier disque, il a bon goût. Je voulais revenir dessus parce que pour le coup, moi, l'album Prose Combat d'MC Solar, c'est pas du tout une casserole. Je suis encore hyper fier. J'assume complètement d'avoir écouté MC Solar à cette époque-là. Dans les trucs un peu plus casserole, c'est avant de vraiment bifurquer dans un courant musical tout autre. J'ai eu une petite période dance avec donc les compiles. Alors dance et trucs un peu plus violents. Donc il y avait les fameux genre Eurodance, quoi, les trucs allemands où les mecs avaient les cheveux blonds décolorés et du gel dans les cheveux un peu. Ah. Bah ouais, parce que j'ai tourné avec la plus grande discothèque du monde quelques volumes en cassette et en CD aussi sûrement, et dont un, je sais qu'il y a un son que j'ai poncé, mais vraiment littéralement, je vous donne la ref, c'est Modo, et le son c'était Eins Vai. Ah mais oui, évidemment, tout le monde connaît ça. Et c'était fantastique. Donc là, voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, je vous invite à consulter la plus grande archive musicale qui est YouTube, notamment. Exactement. Non mais... En vrai, dans tout ce qui est dance et compagnie, un peu musique électro des années 90, il y a des tas de trucs qui sont très très intéressants, notamment dans l'histoire derrière, parce que souvent c'était des producteurs en fait qui bricolaient des trucs avec des artistes en tête d'affiche, alors que derrière c'était pas du tout eux qui chantaient ou qui jouaient. Mais notamment dans l'eau, t'as par exemple Scatman John qui était vraiment beg, qui faisait vraiment du scat. Et... Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Matt. Qui était vraiment beg. Non, pas du tout, mais par contre, si tu vas voir des vidéos de lui où il ne chante pas sur ses morceaux un peu électro, le gars avait vraiment un vrai talent musical, avait vraiment un vrai. C'est pas très. Bref, tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai artiste derrière ce personnage-là, et du coup c'est assez fun aussi parfois de découvrir qu'il y a pas, on connaît que quelques titres, c'est un peu comme les groupes des années 80 qu'on fait genre un tube, mais derrière des fois il y a des vrais bons trucs en fait qui sont complètement méconnus, donc ça peut valoir la peine de jeter une oreille à tout ça quand même. Musicalement c'est très kitsch, mais effectivement il y a plein de petites pépites qui traînouillent et qui doivent être à minima rigolote à écouter aujourd'hui, mais tu sens que c'était un peu le type de mouvance musicale qui est passé dans le rap de la fin des années 90, c'est-à-dire que tu faisais un son en 5 minutes et puis tu le sortais quoi, et t'as plein de trucs comme ça qui sont de cette époque-là et dans la dance et tout ça. Et après je suis passé dans le Thunderdome aussi un peu plus énervé un petit moment, mais pas très longtemps parce qu'après ça mes parents en avaient vite marre et donc Mon père est tapé au mur. C'est ça. Fini avec ta musique qui fait danser les ours. Voilà. Et je reviens sur le truc de Chris avec les histoires des groupes de Rodents. Je sais plus. Alors, faudrait que je retrouve la ref, mais je n'ai pas le temps de chercher. Ou alors, on fait pause et on cherche. Mais je me demande si c'était pas Too Unlimited ou un truc comme ça, où en fait, ils avaient changé le cast pendant une tournée parce que ils ont viré les c'était pas des vrais chanteurs quoi qui étaient sur scène qui dansaient, et genre ils sont passés d'une Renault à une blanche ou l'inverse quoi, et les fans étaient ah non c'est cool et tout, c'est les mêmes, genre mais t'as des posters dans ta chambre et tu te rends pas compte que la meuf a changé de pigmentation. Donc c'est ouais, ils changeaient, les castings étaient enfin on et du coup ça me fait penser, il y avait la Schtroumpf Party, parce que toute cette musique dance avait tellement dégénéré qu'ils ont adapté ça avec les Schtroumpfs, et donc les mecs chantaient avec des voix pitchées de dingue pour faire genre la voix des Schtroumpfs, et t'avais vraiment tout un album de, et ça je me souviens avoir été à un anniversaire d'un gars de l'école véridique. Et on s'était tapé tout l'album de la Schtroumpf Party. Et c'est que j'étais rentré chez moi un peu crispé. YMCA, genre c'est moi j'aime danser. Ah oui, c'est vrai, dis donc. C'était trop bien. Quelle époque. Oui, trop bien. Je pense qu'il y a beaucoup de superlatifs dans cette phrase, notamment trop et bien, mais ok. Mais là, mais c'est le moment où les mecs te disent ouais, bon, on va sortir ça. Et puis en fait, ça marche. Et puis il y a des pubs à la télé et tout. Enfin, ça... Non, mais ça marchait bien en plus. La Schtroumpf Party, je pense que ça a été dans le top très très haut dans le top 50. Le village des Schtroumpfs de la Schtroumpf Party. Il y a Nonono Limite de la Schtroumpf Party. Il y en a plein sur YouTube. Je vous invite à découvrir cette pépite de la musique, évidemment. Mais bon, après, on parle d'une génération qui a connu en vrai le Pissin Piou et René La Taupe. Donc on va tous se détendre. La Schtroumpf Party, c'est pas pire. Pas pire. Est-ce qu'on peut parler Tu veux parler des musclés ? On peut parler de Sébasto qui chantait Fais la poule. Ça n'a plus vraiment grand chose fait à voir avec. Poule, mais comme on est dans les chansons un peu honteuses, je pense que ça c'est un truc qui est assez. Si vous connaissez pas Sébasto, Fais la poule. C'est récent ça, c'est des années. C'est des débuts 2000 ça. Alors récent début 2000, ça fait 20 ans du coup. Ouais, je veux pas te faire de mal. Ça fait mal, hein. Écoutez-moi bien, espèce de jeune con. Vous allez vous détendre, d'accord hein. Je vous demande de me respecter. Je vous demande de vous arrêter. Aussi. Mais en fait, cette phrase, Chris, pour que tu la sortes aussi vite, à des gens comme nous, c'est qu'on te l'a déjà sortie à toi dans la vraie vie, non ? Laquelle ? Non, mais attends, 2000, c'est il y a 20 ans. Ah ouais ? Non, pas vraiment, parce que je suis assez... Je suis assez réaliste sur le fait que je deviens vieux. Je suis désolé que le mec qui casse l'ambiance. Bah, de toute façon, je sais qu'on va mourir. Hein, donc voilà, j'en profite. J'écoute Fais la poule en attendant la mort. J'ai vu le tweet. Tu crois que c'est une chanson qui éloigne la mort ? Du coup, tu dois l'attendre vite, la mort. Hein. Elle éloigne tout le monde, fait la poule, à mon avis, tout le monde se casse, même la mort. Hein. Ouais, moi je pense que tu l'attends très très vite, la mort, du coup. T'as vraiment envie qu'elle arrive vite, vite, vite, vite. Ça, et n'empêche, c'est une super scène, hein, si vous tournez un film, un mec qui se pend sur fait la poule. Je veux dire, c'est complètement incongru, tu vois, s'y attends. En plus, les droits d'exploitation du titre doivent pas être très très chers aujourd'hui. Il y a peut-être un truc faire dans le tournage. C'est un truc, il faut peut-être faire un remix. Apparemment, c'est la mode, il y a des mecs qui ont remixé, genre du quoi. C'est Tina Turner, je crois, il y a un remix de Tina Turner qui sorti. Get to do it with it. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc un petit remix de Sébasto fait la poule. Moi, je pense que c'est le moment de le sortir. Les gars, allez-y. Et puis un petit remix des Musclés. Bon, il y a plein de trucs des Musclés que j'aime bien. Pas la Musclada, mais le rap des Musclés, par exemple. Je sais pas si vous connaissez le rap des Musclés, où il y a un solo de Chantyrelien, comme d'habitude dans les Musclés, mais rappé. La la la la, e-tou, la la la la, e-tou. Et il y a des paroles, c'est pas déconnant, tu vois. Les mecs étaient engagés quand même, ils avaient bien compris que le rap c'était une musique militante, dédicace Mister Yanda, toi-même, eu un crew, hein, un gang, un peu grou de peura, comme. N'est-ce pas? Disaient nos amis les jeunes il y a 40 ans. Ouais. Et les paroles, c'est pas parce qu'on est né dans un village défavorisé qu'il faut considérer qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Et là, je veux dire, quand tu peux sortir un truc comme ça, après ils disent, c'est pas parce que les riches ont de l'argent qu'il faut que les pauvres n'aient pas d'argent. Les pauvres ont aussi le droit d'être riches et les filles de nous embrasser. Et ben, tu vois. On est à mi-chemin dans la revendication un peu gaucho, comme j'aime bien, tu vois, ça fait plaisir. Et puis, c'est les Musclés, donc il te faut un peu de merguez et de gonzesse là-dedans. Hashtag c'est un peu les pères de MC circulaire, quoi, tu vois. Mais en vrai, j'aime beaucoup, au premier degré, le rap des Musclés. Ça me fait bien rire, je trouve ça bien. Voilà. Mais je ne l'ai pas en CD. Donc si toi qui tiens un troc de Lille, tu retrouves une compilation des Musclés dans ton rayonnage, tu peux l'adresser à l'Estaminerd, boîte postale France. Et puis ça arrive. Voilà. Tu l'adresses à l'épisode 12. Bon, on a bien fait tourner nos CD. Est-ce qu'on ferait pas tourner quelque chose qui est rond, qui est plat et pizza. Bah oui, qu'est-ce qui tourne comme un CD à part une pizza? Quand elle est bien faite dans les mains d'un pizzaiolo qui l'a fait. Parce que. Alors autant la transition tout à l'heure, elle était bien. Autant celle-là, elle coince un peu. Hein. Tu sens que sur la fin, elle est coincée. C'est parfait. En fait, je parle et je réfléchis en même temps à ce que je vais dire. Je me dis comment est-ce que j'introduis ce truc. Ouais. Est-ce que je le fais genre Valentin nous a préparé un quiz ou est-ce qu'on dit que comme t'avais pas de quiz, on t'a forcé la main sur un pizza quiz ou est-ce qu'on parle juste de pizza, tu vois. Que j'ai pas préparé non plus, mais on peut faire ça, ouais. Mais oui, on se disait. Absolument. On se disait, on va faire le bon ou pas bon des pizzas. Ben oui, quelle pizza est bon ou pas bon. Et je vais vous dire d'où ça vient. C'est une malencontreuse discussion que nous avons eue quelques minutes avant de commencer l'enregistrement de cet épisode. Matt, voulant se sustenter, a trouvé la plus de ta phrase. Matt, voulant manger. A trouvé la nourriture la plus divine qui soit dans son congélateur, c'est-à-dire une pizza. Tu as joli l'histoire. Mon frigo est vide et donc j'ai fouillé dans le congélateur de mon locataire pour voir si je pouvais lui piquer quelque chose. J'étais contente d'y trouver une pizza et quand je l'ai sortie et que je me suis rendu compte que c'est une pizza au thon, je l'ai remise à sa place. Alors que pourtant, autant on est tous d'accord, à part une personne ici, que la pizza à l'ananas c'est dégueulasse, autant. Je quitte cette émission. Autant la pizza au thon, je suis désolé, c'est le mets le plus exquis qui soit, c'est délicieux et je ne comprends pas qu'en 2020 on puisse tenir des propos aussi abjects non, que monsieur. La pizza au thon, c'est dégueulasse. Franchement, voilà. J'ai pas vu aussi belle indignation depuis que Pascal Pro a découvert qu'on allait arrêter de faire de la pub pour le Nutella. Comédien d'indignation. Voilà, donc on est tous d'accord, à part Matt, que la pizza au thon, c'est bon. Non, c'est des gens. Est-ce que la pizza au Nutella, c'est une pizza? Non. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des pizzas au chocolat. Non, non. La pizza au Nutella, arrêtez, ouais. Arrêtez, bah, c'est... arrêtez. Pizza sucrée, quoi. J'ai jamais testé, moi, je trouve pizza ça un sucrée. Peu... Non, mais peu... on va où, là? C'est un peu impie. C'est profane pour moi, ça, mais... Mais bon, après, ça doit pas être dégueulasse. Mais bien sûr que si, ça doit être dégueulasse. La pizza chocolat que tu trouves au Leclerc, là, bon. Ah oui, ça, oui. J'ai testé pour vous, hein. J'aime vivre dangereusement. Voilà. Non. Est-ce que tu pourrais nous faire un vlog? Franchement, mais pas plus de 19 minutes pour pas que ton appareil photo coupe en plein milieu, mais. Eh ben tu vois ça c'est le genre de commentaire ce qui mériterait que je te bloque. pour un truc pareil, tu mériterais que je te bloque. Ouais. Et qu'on ait plus de contact. Et comme ça je pourrais dire dans l'ombre que t'es un connard. Et ça serait. Tu peux le dire bien. En pleine lumière, les gens le savent déjà. Il y a pas vraiment de révélation si tu veux. C'est pas... Ah mais il y a aucun intérêt à ce que je te bloque si je le dis en pleine lumière. Donc non, faut que je le fasse de courageusement depuis l'ombre. Mais ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. Absolument pas. Non. Je vous disais que je vis dangereusement et que pour vous, je pourrais lancer un blog de tous les trucs un peu chelous que j'ai goûté. Ouais. Et là, c'est une sale période pour moi parce qu'on arrive dans la période d'Halloween et donc sur tous les marketplaces de vos boutiques en ligne, typiquement Amazon ou quoi que ce soit, vous allez voir arriver des packs de bonbons chelous et venus d'autres pays avec des goûts bizarres qu'on n'a pas de chez nous. Sachez que je suis très très très curieux et que mes bonnes résolutions face à ces produits où je sais que c'est 3 cancers différents par bouchée. Mes bonnes résolutions tiennent à peu près 24 secondes et demie. Et voilà. Je propose qu'on ouvre une boîte postale pour que les gens nous envoient notamment des vinyles démusclés et puis des bonbons pas bons. Putain, mais alors attends, parce qu'avec des liens affiliation d'Amazon pour acheter les bonbons et en plus de ça, on se les fait envoyer, là, c'est jackpot. Excellent. Là, excellent. On tient quelque chose. Là, je pense qu'on peut faire ça comme des professionnels. Valentin, est-ce que tu peux nous parler de la pizza au thon? Parce qu'en fait... Non, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est déjà là. Ma relation avec la pizza au thon, c'est du racisme ordinaire, j'ai jamais goûté. C'est du racisme systémique. Ah, en plus. Ah ouais. Ah bah c'est con, ça aurait été l'occasion ce soir. Non, moi j'aime beaucoup le thon d'une manière générale, dans les salades, dans les gratins. On aura vraiment tout raconté. On a vraiment épuisé tous les sujets. Ouais, Est-ce que tu mets des cœurs de palmier dans tes salades de thon, Valentin? Ah non, parce que ça c'est dégueulasse. Ah, les cœurs de palmier, c'est dégueulasse. Mais c'est pareil, c'est comme toi, j'ai jamais goûté. Donc je ne sais pas, mais si les cœurs de palmier, je suis persuadé que c'est dégueulasse. Non, voilà, le thon est un aliment que j'apprécie beaucoup. Et qui me dépanne bien justement quand j'ai plus grand chose chez moi. Tiens, il suffit que je fasse cuire du riz, je rajoute du thon et puis c'est good quoi. Et sur la pizza, le mariage thon, tomate et pâte à pizza, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà, c'est... Tu mets de la pâte à pizza sur ta pizza? C'est, oui, dessus, absolument, je fais une calzone, comme on appelle ça dans le jargon. Mais oui, je trouve que c'est une meilleure fusion que Son Goku et Son Gohan, donc voilà quoi, c'est exceptionnel la pizza au thon. J'aime bien aussi la pizza au thon, moi je n'ai pas de grief contre la pizza au thon, c'est pas ma préférée, mais ça se mange quoi, tu me fais une pizza au thon, je la mangerai. Moi je mange toutes les pizzas, il n'y a pas de pizza que j'aime pas. Allez vous faire cuire le cul. Ah oui, donc toi aussi le thon c'est l'aliment que tu ne veux pas voir sur une pizza toi, Yanda. Comment c'est l'aliment que tu ne veux pas voir sur une pizza toi, le thon. Mais non, bien évidemment, non. Le thon, effectivement, alors sur du riz, je te rejoins complètement. Sur des pâtes, je te rejoins complètement. Les pâtes au thon, c'est très bon. Un thon mayonnaise, un plat... Pâte au thon, c'est mignon, pâte au thon. Mais oui, on dirait un personnage d'une vidéo de Valentin. Absolument. Bonjour, pâte au thon. Bonjour à tous. Pâte au thon, c'est un des délires, des nombreux délires que j'ai avec mon frangin. C'est le mot pâte au thon qui nous fait beaucoup rire, absolument. Et pourtant, sachez que c'est très bon et c'est en plus un plat extrêmement économique. Dans la même veine que le plat économique, nous avons le thon mayo qui à lui seul fait un repas complet. Mais bien sûr, évidemment, voilà. Le thon mayo, évidemment. Mais sur une pizza, non. On en est à 5 recettes, il n'y a toujours pas de légumes, les gars. Arrêtez. Si, dans ma salade, je mets aussi des tomates et puis des poivrons. Et... Le maïs, c'est dégueulasse. Mais franchement, mais quel putain de breton, vraiment, vous me fatiguez. Putain, les bretons et vraiment, putain, ouais. Je suis pas très maïs, je suis pas très petit pois, le reste ça va, à peu près. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le maïs et... Alors, j'ai une question, parce que j'ai un pote, il est pareil, il aime pas le maïs et les petits pois. Est-ce qu'il y a un lien entre maïs et petits pois? Est-ce que c'est la structure, en fait, de ces petits objets? Parce qu'en vrai, ça a pas beaucoup de goût, le maïs et les petits pois, c'est pas hyper marqué. Si, le maïs, je trouve ça trop sucré. Ah, les petits pois aussi, je trouve ça trop sucré, dis donc. Et le maïs aussi. Ça dépend, il y a un vrai. Je me dis, on est en train... Toi aussi, tu te rends compte de ce qu'on dit, phrase et je me dis, en fait, il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont en train de se dire, ouais, c'est très intéressant. Je suis complètement d'accord. Il y a une vraie différence de goût dans les différents petits pois, tu vois. Le petit pois surgelé n'a pas du tout le même goût que le petit pois en boîte, qui n'a pas du tout le même goût que le petit pois frais. Ah, mais et comme c'est, tout, c'est vrai. Par exemple, le petit pois surgelé, je trouve ça dégueulasse. Alors que le petit pois en boîte, ça passe. Et le petit pois surgelé n'a aucun goût. Petit pois. Et en plus, il est tout croquant comme ça. Oui, bien sûr. Il te fait chier parce qu'il faut le faire cuire. Il faut le faire cuire, le petit pois surgelé. Non, c'est n'importe quoi. Si tu fais pas cuire le petit pois surgelé, effectivement, il sera tout dur. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est ça. Ils font dans la bouche. Damned. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de petit pois sur vos pizzas. Non, jamais. Non. Voilà. Ni d'ananas. D'ailleurs, c'est quoi l'aliment? Mais non. Mais si. Alors, l'hawaïenne. Hawaïenne. Écoutez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de situation géographique? T'imagines, les mecs, ils sont partis des côtes européennes. Ils ont traversé tout l'Atlantique pour découvrir de nouvelles civilisations, de nouvelles îles et tout. Ils arrivent à Hawaï, les mecs, ils bouffent des pizzas. Vasco des gamins, il a dû regarder ça, il dit, vous foutez de ma gueule ou quoi, sans déconner? Non mais déjà, est-ce qu'on sait s'il y a des ananas à Hawaï? Ça se trouve même pas. Ça se trouve c'est une vaste fumisterie. Ça c'est très bon. Il y a pas un putain d'ananas à Hawaï. C'est un complot. Tu sors une hawaïenne, un hawaïen, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne connais pas. Mais en vrai, pour moi la meilleure pizza, ma pizza préférée, tu me fais une hawaïenne poulet sauce barbecue. Là, tu me conquis. Mais moi tu me fais une hawaïenne poulet barbecue sans ananas, c'est bon. Ça passe. Mais du coup, Chris, est-ce que toi, tu as un aliment que tu ne veux pas voir absolument pas sur ta pizza? Quel est l'aliment qui te ferait dire non, pizza? Un truc dont j'aime vraiment pas le goût, c'est les. Hein? Un truc dont j'aime vraiment pas le goût, c'est les bananes. Mais du coup, il y a pas de bananes sur les pizzas, donc forcément, c'est voilà. Bon, ça, il y en a bien qui mettent de l'ananas, donc tu sais, tout peut arriver. Bah oui, mais alors pourquoi pas? En fait, alors quoi que, je dis ça, mais la banane cuite, j'aime bien. Alors que la banane crue, j'aime pas. Donc peut-être qu'il faudrait que je teste une pizza à la banane. Putain, quelle horreur. Non, je sais pas. Franchement, je mange. Il y a forcément des pizzas que je préfère. Il y a des trucs que je prends pas parce que c'est pas ce que je préfère. Mais en vrai, tu peux m'amener n'importe quelle pizza. Je pense que je vais la manger. Je peux faire une pizza aux abats. Des abats sur la pizza, ça passe? Non, mais parce que c'est des trucs qu'on met pas sur une pizza, mais dans les pizzas classiques, si tu prends la carte d'une pizzeria basique, tu vois, où t'as les trucs un peu standards. Bah, y a pas d'hawaïenne déjà. Bon. Eh bien, admettons qu'il n'y ait pas d'hawaïenne sur cette carte et que je dois manger autre chose. Bah oui, voilà, on me dit, prends autre chose. Et bah, par exemple, je prendrais, je sais pas, une burger ou un truc comme ça, tu vois, voilà. Pizza aux anchois, je suis pas fan. Tu vois, je mets pas tous les types de poissons sur ma pizza, tu vois. Le saumon, c'est très très bien. Le thon, c'est très très bien. Et puis, on s'arrête là, quoi. Après, on passe au jambon cru. Ou cuit, d'ailleurs. Les pizzas, voilà, les royales, les pizzas aux trois types de jambon différents. Ça, c'est très bien aussi. Ça, ce sont des valeurs sûres. Et le chèvre miel, alors, on accepte ou pas? Non, on n'accepte pas le chèvre miel. Non, certainement pas. Éventuellement, les années bissextiles, un jour de fête, un peu bourré, ça peut passer, ouais. Le chèvre miel, d'une manière générale, c'est bien. Sur la pizza, je suis un peu plus sceptique, mais bon, pourquoi pas? Soyons aventuriers. Sauf pour aller à Hawaï. Il y a un truc que j'ai découvert sur le tard auquel je croyais pas du tout, et c'est la pomme au miel. Et ça marche hyper bien. Tu peux nourrir des enfants. Mange un fruit. Non, mange pas de fruit. Mais si c'est une pomme, j'aime pas les pommes. Et je mets du miel. C'est bon. Et du coup, tu peux en faire des sandwichs avec du pain de mie aussi pour tes goûters, tu vois. Tu sais, c'est le genre de goûter où quand t'es au collège, tous tes potes ils se foutent un peu de ta gueule. Puis après, quand ils goûtent, ils aiment bien, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas une histoire vécue. Pas du tout. Non, c'est une histoire de cul. C'est une histoire de vrai cul. Une histoire vrai cul. On exorcise vraiment nos démons cette émission. Les petits pois, la pomme au miel, l'hawaïenne, c'est incroyable. Non, mais la pomme au miel, tu vois, moi j'ai aujourd'hui, c'est une recette que papa fait mieux que maman, tu vois, c'est peut-être la recette que papa fait mieux que maman, et du coup, bon bah, ça permet de réconcilier. Mais bon, en même temps, ça va, quoi. Je veux dire, t'es pas si à Lignac, quoi. Je veux dire, le mec, il a trempé une pomme dans du miel, ça y est. T'as déjà essayé de découper une pomme? Oui. Il y a des pépins au milieu. C'est vrai. Alors, pendant qu'on assiste à un revival de Jacques Chirac, moi je me pose une question. Est-ce que la pomme au miel, c'est ça qu'on appelle la pomme d'amour ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. La pomme d'amour, c'est une pomme c'est et tu l'as trempée dans du sucre qui a cristallisé autour et du coup c'est dégueulasse. C'est ça, voilà. La pomme au miel, tu la coupes en quartier, tu vois, tu la nappes un peu. de ce mets exquis que nous offre la nature. Mmh. Et de puis, ce dégueulis voilà, d'abeilles. Oui, bien sûr. Tu peux y aller. Oui, c'est de la bave d'abeille. Quand tu le réalises, tu... Pardon ? Oui, il y a plein de trucs comme ça, genre le fromage c'est du moisi, oui, les oeufs aussi. Les oeufs, je vous le fromage, pas le dessin. J'ai vu au magasin du fromage au bon lait de nos éleveurs. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. C'est un scandale. J'irai pas le goûter celui-là. D'ailleurs, je vous invite à chercher, il y a une parodie, c'est le Saint-Vergeron, qui est littéralement... C'était les mecs d'Action Discrète. Action Discrète qui ont fait ça, ouais. Tout à fait. Et c'est du fromage de bite, tu vois, c'est très bien. C'est... Le Saint-Vergeron, un fromage d'abbaye, tout à fait, un fromage tout à fait délicieux. On en met sur la pizza ou pas? Bon, du fromage, hein? Non, mais du Saint-Vergeron. Ah, sur une hawaïenne. Bon, alors, remarque, comme ça, je mange pas. C'est ça, ouais, exactement. Non, alors moi par contre, ça vous est déjà arrivé de manger dans une pizzeria un peu chelou? C'est genre la pizzeria où tu sens bien que niveau normes d'hygiène, le mec est pas très, c'est pas très Covid quoi, tu vois, alors, on est un peu dans le... Je veux dire, alors non, mais quoi. Pour une fois que t'as un truc un peu crade à nous raconter que t'as vécu, ça m'intéresse. Ouais, alors, enfin non, mais en vrai, avec mon frère un jour, on va voir un concert sur Paris, on sort du concert, il doit être 23h, on a la dalle, on dit on va faire pizza... Et on tombe dans la pizzeria la plus schlasse de tous les temps. Je veux dire, franchement, le mec, la pizzeria, c'était vraiment injouable, quoi. Tu voyais bien que c'était, enfin, bref. Tu voyais bien que c'était crado, tu voyais bien que c'était fait à l'arrache, que le mec, il tripotait la monnaie en même temps qu'il faisait la bouffe et tout. Tu dis, c'est tendu, quoi. Surtout moi, je suis un petit peu, voilà, tu vois, je suis très gel hydroalcoolique, tout ça. Donc quand je vois ça, j'ai déjà un peu des nœuds dans l'estomac, quoi. Et donc, C'est une sorte de caca. Non, pas du tout. Alors justement, cette histoire finit bien. Désolé de vous l'annoncer comme ça. Oh, le spoil. En fait, c'est pour vous donner une astuce. Moi, quand je mange dans un resto, dans une pizzeria, un truc comme ça, où j'ai pas trop confiance, je prends une 4 fromages. Parce que techniquement, une fois que le fromage est cuit, il y a quand même peu de chances d'être malade. En comparaison de la viande, du poisson, des trucs comme ça. Tu vois, la 4 fromages, c'est relativement safe. C'est donc, vrai. Dans le doute, je prends une 4 fromages. Eh bien, écoute, je n'ai pas été... Et pourtant, avec mon frère, franchement, on a mangé la pizza. On a dit, bon, bah allez, et si demain matin, on n'est pas malade, c'est qu'on est solide. Eh bien, on doit être solide parce qu'on n'a pas été malade. Alors que sincèrement, quand tu voyais la situation de guerre dans laquelle étaient faites ces pizzas, hein, sincèrement, je pense qu'on est passé pas loin de la mort. Chris et Clem, même la gastro ne veut pas d'eux. Mais non, c'est vrai, on n'a pas été malade. Mais bon, c'était tendu. Mais enfin, en tout cas, c'est moi, ma petite astuce pizza. Prenez une 4 fromages dans le doute, c'est sûrement la plus sécurisée. Et du coup, est-ce que ce restaurateur, tu lui as laissé un petit commentaire sur Google, non, TripAdvisor? Non, absolument pas. Oh, c'était il y a bien longtemps, je ne sais même pas si Google existait. Non, j'exagère un peu. Bah, apparemment, l'hygiène n'existait même pas. Non, l'hygiène. Pourquoi faire? L'hygiène, pourquoi Allô, faire Ça devrait être le nom d'un podcast. Voilà. Merci. Les pizzas. Bonsoir, à bientôt. Non, mais du coup, je réfléchis à mes meilleures anecdotes pizza, mais j'en ai pas tant que ça. Non, je rajoute des trucs sur mes pizzas surgelées. Je fais mes propres pizzas. Je fais pas la pâte, mais je fais mes pizzas moi-même aussi. Ah, je peux pas manger les pizzas comme ça, qui sont faites maison, entre guillemets. Enfin, en tout cas, avec les pâtes avec toutes prêtes pâte et déjà vendues. Faite, ouais. J'ai un blocage psychologique par rapport à ça. Parce que... attention. Non, parce qu'il y a toute une histoire qui va avec ça. Il y a un bon paquet de temps maintenant. J'étais tombé dans cette histoire de fais toi-même ta pizza. Tu achètes une pâte, elle est toute prête, tu mets ce que tu veux dessus, ça te fait une pizza et tu te défonces. Et donc étant dans mes années étudiante, donc t'as mis du cannabis dessus. Couche tard, donc repas tardif devant chasse-pêche tradition. Je suis tombé dans le vice de me faire ma propre pizza à 3-4 heures du matin, donc c'était génial. J'ai fait et ça 3-4 pendant... grammes du coup. Pardon ? C'est une pizza que tu fais à 3-4 grammes ? Ouais. Ouais, ouais. C'est celle-là. C'est ça, c'est bien. Ça. Ou alors avec les yeux embrumés. Ça dépendait des types de soirées. Ou les deux des fois, mais bref. Mais du coup, c'était voilà. Et j'ai pas mal bouffé de ça pendant plusieurs jours d'affilée, puisqu'en règle générale, comme j'étais jeune et con, quand j'aimais bien un truc, ben, je ne mangeais plus que ça. Et en fait, quelques jours après, je pense pas que ce soit lié à ça, je suis tombé malade, mais genre malade sale. Vraiment, j'étais vraiment dans le mal, à base de je me vidais ma race. À ce niveau-là, d'accord. Ouais, okay. Base de vomissement. Au niveau des intestins. Vomissement de la plusieurs. Comment ? Pardon. Non, non, pardon, pardon, je te coupe, c'est mal poli. Non, mais je vous en prie, continue. Il n'y a pas de mal. Donc, ouais, c'était à base de vomissements à intervalles réguliers, je me souviens, c'était toutes les heures, mais je ne pouvais rien manger. Voilà. Oh, il est 9h. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, je vais me recoucher. Oh, il est 10h. Et c'est reparti. Voilà. Et donc, tout ça pendant 2 jours. À peine pouvoir boire, mais rien manger. Au bout de 2 jours, je me dis, ah, quand même, c'est pas très cool. Donc, on m'amène aux urgences. Vite, faisons une pizza. Hein? Ouais. On m'amène aux urgences. On me traîne jusqu'aux urgences. Je me souviens parce que j'étais vraiment dans le mal. Aux urgences, ils me gardent. Ils me foutent sous perf déjà et je revis avec la perf. Et il me dit, garde, oh, on va vous faire des analyses. Ok, d'accord, très bien. Donc de là, ils me font faire toute une batterie d'examens, je ne me souviens plus exactement, mais enfin voilà, des échographies, des trucs, des machins. Et rien, ils trouvent rien de spécial. Et au bout de 48 heures, ça allait mieux. Et donc voilà, donc ils sont partis du principe que, puisque c'était de l'hypothèse, que j'ai eu un caillot bloqué juste à la sortie de la vésicule biliaire, ami biologiste, bonsoir, et que du coup c'est ça qui m'a rendu malade, et que au bout d'un moment, en fait, mon corps a réussi à l'expulser de lui-même, et donc du coup j'ai... Il y a un épisode de Doctor House. Mais donc, what the fuck. Ouais, mais vraiment, j'étais mal, et effectivement... Quel est le... Et du coup, pourquoi tu en veux à cette pâte à pizza industrielle? Parce que du coup, j'ai... inconsciemment fait un blocage, parce que pour moi, j'ai été malade à cause de ça. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, je ne peux même plus, ne serait-ce que approcher un bout de pizza faite comme ça avec de la pâte Indus au niveau de ma bouche. Ça me rend malade, quoi, tout de suite. Et voilà, donc du coup, je ne peux plus manger. Et pizza surgelée, ça va, oui. Et pizza au resto, ça va, oui, aussi. Oui, complètement. Ouais. Non, c'est vraiment ces pizzas où tu achètes la pâte et où tu mets ce que tu veux dessus, où tu mets ta sauce tomate et tout, qui ont un goût assez particulier, justement. Je le sens tout de suite et c'est mort. C'est impossible. Donc, hypothèse, tu viens chez moi. Ouais. Je te dis, on va manger une pizza, regarde, et je fais la pâte devant toi. Et je mets ce que je veux dessus, enfin même ce que tu veux dessus pour te mettre à l'aise. Mais je fabrique la pâte avec la farine et tout. Est-ce que tu serais capable de la manger du coup, vu que c'est une pâte que j'ai faite? Alors, je pense, sous réserve que le goût ne me rappelle pas effectivement ces pâtes Indus. Mais en règle générale, c'est plus, j'ai pas eu de cas. C'est pour ça que je te dis je pense, parce que j'ai pas eu le cas où quelqu'un m'a fait une pâte. Ouais. Donc ça, je sais pas. Tu peux pas nous inviter puis on fait l'expérience, Val? Ouais. Quoi? Vas-y, je suis dans la voiture, j'arrive. Tu as l'expérience? Ah ouais, grave. Bah ouais, c'est ouais. Mieux. Hein. Si vous voulez, ouais, carrément. Et n'empêche, heureusement que Matt a cherché un truc à bouffer tout à l'heure, parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on occupe l'émission en parlant de pizza. Je veux dire, franchement, non, mais on est intarissable sur n'importe quel sujet. J'essaie de gagner du temps, parce qu'après, on va parler des merdes de techno à Yanda, on va encore rien comprendre, donc j'essaie de repousser l'inévitable. J'ai le même problème que Yanda avec la pâte à pizza. Moi, c'est avec les yaourts vanille. Alors, les yaourts, ça va. C'est génial. Les trucs à la vanille, ça va. Mais les yaourts de vanille, c'est le nez plus possible. C'est génial. Et ben. Et parce que toi aussi, tu as été malade à cause de ces fils de pute de yaourts à la vanille. J'ai pas été malade, mais j'ai fait une erreur stratégique un jour où j'ai déménagé et où il fallait débrancher son frigo. Oh. Donc j'ai débranché mon frigo et j'ai sorti du coup les yaourts que j'ai mis sur le plan de travail en disant je les mangerai plus tard. Ce plus tard devait être un peu trop tard. Et cette sensation de yaourt tiède dans ta bouche. J'ai l'impression que c'est comme, tu sais, des fois quand t'es un peu malade et que tu renifles et que tu sens la morve qui coule dans ta gorge, et ben c'était comme ça, de la morve comme ça à la vanille. Et du coup j'ai le même, je les ai pas finis, je les ai jetés et je ne jette jamais de bouffe. J'étais pas content de faire ça. Et du coup bon voilà, et c'est mon organisme le sait, il s'en souvient. Et du coup, si tu l'approches un bout de yaourt vanille, il te dit « Non ! Je sais ce que tu as fait il y a 15 ans !» Et donc, voilà, ces aliments sont proscrits une fois pour toutes. Putain, tu peux plus manger de Dany à la vanille, du coup, c'est triste. C'était les Activia vanille, je crois, qui ont fait ça. Activia, quoi. On parle de la bouffe de la cantine aujourd'hui, on garde ça pour plus tard. Parce que moi, il y a des trucs à la cantine qui m'ont traumatisé quand j'étais au lycée. Ah, je crois que tu parlais de la bouffe de la cantine d'aujourd'hui. La cantine d'aujourd'hui. Oui, ah, bah, ou d'aujourd'hui encore si tu manges à la cantine au travail. Mais non, moi j'étais surpris que tu manges encore à la cantine. Bah non, pas moi. Bah non, mais comme t'as pas dit, il y a des entreprises où il y a des cantines. On a dit qu'on disait pas que tu bossais à l'éducation nationale, donc j'étais pas certain qu'on avait le droit d'en parler. Parce que Chris dans la vie est dame de la cantine, voilà. Comme ça, vous le saurez. C'est vrai que c'est mon taf. C'est mon hobby. Je suis dame de la cantine. C'est moi, tu sais, qui arrive avec ma louche et qui t'en met une grosse plâtrée comme ça. De la sauce avec. Je crois qu'il faut être gentil si tu veux du rap de friand au poireau. Ouais. Ah si, c'était bon ça, les friands au fromage, c'était pas mal. À la cantine, moi j'aimais bien les friands au fromage, ouais. Ah, c'était toi ? C'était moi, si, ouais. Bah, les frites, comme d'habitude, hein, tout le monde aime ça, mais les friands au fromage, j'étais content aussi, ouais, carrément. Non mais les frites de la cantine, le problème après, c'est l'après-midi. Parce que je veux dire, genre tu manges des frites le midi, et l'après-midi tu dors. Et après tu... Oui, ah oui, par contre, absolument. C'est pour ça que j'étais pas très très bon à l'école. C'est très bon le matin, mais l'après-midi j'étais mauvais. Surtout que l'après-midi des frites, c'est toujours celui-là où t'as d'abord sport et ensuite philo. Oui, absolument. Absolument. Tu bouffes tes frites, tu vas faire tes 2 heures de sport et puis... Bah déjà, si t'es pas mort dans ton vomi, t'as de la chance. Grimper à la corde. Oh mon dieu. Attention en dessous. Et aujourd'hui, on fait fractionner en athlétisme. Allez, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, tu cours tes 20 minutes, après tu joues un peu de flûte, t'es bien là. Tu passes l'après-midi de ta vie. Non, bah moi j'ai rien à dire sur la cantine, donc je ne sais pas. La cantine, c'était bien. Les beignets de cervelle, on avait à la cantine, ça m'a marqué. J'en ai jamais bouffé par contre. Ah, les beignets de cervelle. Beignets de cervelle. Autant les beignets de calamar, oui, ça c'est très validé. Bien, ouais, ça l'est encore aujourd'hui. On est d'accord. Mais beignets de cervelle, quand j'ai vu ça affiché, je m'en souviens encore aujourd'hui, mais je serais incapable de te dire le goût que ça, puisque j'ai toujours refusé d'en manger. Tu m'étonnes. Ouais, c'est comme ça que j'ai eu une aversion pour les épinards, parce que j'aimais pas trop ça quand j'étais petit, et puis on m'a forcé à en manger, et du coup, à la cantine. Et du coup, voilà, alors que c'est pas si mauvais que ça, mais pendant des années et des années, j'ai refusé de manger des épinards, et comme toi et la pâte à pizza, je ne pouvais pas en fait, c'était instinctif. C'est un blocage psychologique. Exactement. Non mais genre la bouffe de cantine, souvent le problème c'est la cuisson. Genre moi je me souviens que tous les vendredis il y avait du poisson, c'est genre le bon vieux cabillaud cuit à la flotte là, bien détrempé, avec du riz et une sauce franchement dégueulasse. Et en fait moi j'aime bien le poisson en général et j'aime bien le cabillaud ou le truc comme ça ou le colin ou je sais pas quoi, enfin les trucs voilà du poisson. Captain. Je connais rien. Moi un poisson c'est un truc qui nage dans l'eau, c'est tout. Tu prends, tu coupes la tête, tu sors les arêtes et c'est bon, allez ça passe. Bah voilà, comme Bear Grylls, hein. Puis t'arroses ça avec 2-3 crottes de cerf et hop c'est parti. Voilà. Et bref, toujours est-il que le problème, ce qui n'allait pas, c'était la cuisson. Le machin il était détrempé dans la flotte, dans une sauce graillonne dégueulasse, tu vois. Et ça m'a dégoûté pendant longtemps. Maintenant j'ai plus de mal à en manger, mais c'est vrai que les années qui ont suivi le lycée, tu vois, quand j'ai commencé à habiter tout seul ou quoi, c'est vraiment le dernier truc que j'aurais bouffé, parce que j'avais gardé un très très mauvais souvenir de ce poisson cuit à la flotte dégueulasse. Eh ben... En fait, on est une bande de traumatisés, quoi. Ah, on traîne tous nos traumatismes. Nous ne sommes qu'un amas de traumatismes. Absolument. Donc par contre, les dames de la cantine, ce serait bien que vous appreniez un peu à faire cuire la bouffe, parce que sinon, vous fabriquez des générations de bouffeurs de pizza ananas, et ça, c'est mal. Très, très mal. Oui. Je ne regrette rien. Merci aux dames de la cantine de ne pas savoir faire cuire le poisson. On n'en serait pas là sans ça. Bon, bah, chers amis auditeurs, on vous invite à quitter ce podcast, puisque maintenant Yonda va nous parler de technologie. Si vous voulez avoir mal à d'autres organes. Si, on a... Alors, je te rappelle que la dernière fois... Bon, alors toi, ça marche pas, mais la dernière fois qu'il a parlé de technologie, c'était Brave, et du coup, tout le monde, tous les gens qui nous suivent ont installé Brave, quand même. Et en plus, grâce à Brave, ils peuvent soutenir les Staminerds sur Brave. Ouais, parce qu'on a... Bah non, on n'a plus de site, on n'est plus créateur. Du coup, c'est parfait. L'appli porno Pornhub, du coup. Alors, allons-y. Yanda, dis-nous tout. Comment ça se passe? Non, c'est OnlyFans dont il voulait parler aujourd'hui, visiblement. Parce que t'as ouvert ta page OnlyFans, ouais, Yanda, et ça marche plutôt bien pour toi. Exactement, ça marche super bien. D'ailleurs, je vous invite à suivre le lien affilié pour me faire gagner encore plus de thunes. Parce que ça s'est pas reversé à l'Estaminerd. D'ailleurs, maintenant, pour les bats, du coup, pas pour le site de l'Estaminerd, mais vous pouvez quand même soutenir les membres de ce podcast via leurs réseaux sociaux respectifs, qui sont, une bonne partie, peut-être l'ensemble, je ne sais plus, créateurs certifiés, vérifiés et éligibles à vos bats. Moi, je le suis sur YouTube et sur Twitter. Voilà, les gens, voilà. Les gens complets, quoi. Mais non, c'était pas de ça que je voulais parler ce soir. Ah, d'accord. Est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose qui est compatible avec Brave? Parce que maintenant qu'on a installé le navigateur, ce qu'il nous faudrait, c'est de belles extensions pour le rendre, pour l'optimiser, quoi, pour le rendre tip-top. Alors, j'ai pas testé sur Brave. L'outil dont je vais vous parler, c'est une extension Firefox et une extension Chrome. Ah ! Donc, peut-être que c'est compatible avec Brave, mais ne l'ayant pas testé, je ne peux pas vous le certifier. Ça tombe bien, j'utilise Opera, donc voilà, c'est formidable. Formidable. Tant que vous n'utilisez pas de toute façon Internet Explorer, vous êtes bien vu. Ouais, non, l'outil dont je voulais vous parler ce soir de façon simple, rapide, efficace et pertinente, c'est un outil... Comme toujours, n'est-ce pas? c'est un outil de ce qu'on appelle d'OS Int. Je ne sais plus si on en avait parlé dans ce podcast ou si c'était uniquement dans notre conversation. Non, on en a parlé qu'en privé pour l'instant. Ok. Donc, l'OS Int, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre et barbare? C'est un acronyme pour Open Source Intelligence. En fait, c'est une pratique qui est utilisée par pas mal de personnes, à bon escient ou à mauvais escient, ça dépend de la personne qui l'utilise. C'est une technique en fait, qui consiste à chercher des informations sur quelqu'un, sur une entreprise ou sur ce que vous voulez sur le net, c'est-à-dire par le biais des moteurs de recherche, en utilisant des techniques de moteurs de recherche et des techniques d'indexation pour faire ressortir des informations qui ne seraient pas affichées avec des requêtes simples de recherche sur, si par exemple je mets Google comment faire une recette de comment faire un gâteau au chocolat, les moteurs de recherche sont pensés pour répondre à des questions comme ça, mais il y a aussi tout un tas de techniques utilisables pour ressortir uniquement certains types de fichiers, avec un titre bien précis, etc. etc. Et donc l'OS Int, c'est une façon de faire des recherches open source parce que le contenu est de toute façon disponible sur internet, donc ouvert et accessible à tous. Il ne s'agit pas de faire du hack et d'aller péter des défenses, de péter des sites et péter des bases de données pour récupérer des informations, pas du tout. On est sur quelque chose d'accessible à toutes et tous, mais il faut un petit peu contourner parce que c'est pas les premiers résultats qui sortiraient sur les moteurs de recherche, sur des requêtes classiques. Oui, c'est ce que tu disais, on peut poser des questions au moteur, typiquement Google, on va pas pas de marque. Bon, on fait tous du Google. Donc tu peux lui poser des questions, il répond, mais tu peux aussi utiliser des filtres de recherche où tu vas demander site 2 points et il va te faire tes recherches que sur ce site-là. Tu peux demander file type pour qu'il te ressorte soit que des images ou que des PDF. C'est ce qu'on avait vu dans une vidéo de Brut, c'est ça? Je sais plus si c'est Brut ou Combini. C'est l'un ou l'autre. Un des deux, ouais. Et où le mec en fait disait que lui il s'amusait à faire des recherches sur les sites qui sont en .gouv.fr, de demander uniquement des PDF et il cherchait dans ces PDF la formulation confidentielle ne pas diffuser et qu'il tombait sur des milliers de sources officielles du gouvernement en confidentiel et qui en fait sont dans Google quoi. Cette vidéo là c'était un mec, c'était un détective privé de métier et qui disait que aujourd'hui il faisait en fait quasiment moitié moins voire 2/3 moins de terrain pour ses investigations et ses recherches et qui passait par le net parce qu'il trouvait énormément plus d'informations dans un laps de temps bien plus court. Alors effectivement maintenant si vous cherchez ce type confidentiel ne pas divulguer, il y a des petits malins qui ont contourné le truc et qui ont mis des choses qui sont référencées sur ça et qui sont des blagues bien évidemment, mais c'est assez drôle. Mais effectivement tu peux ressortir des files type PDF ne pas divulguer ou ne pas diffuser et tu peux en descendant un petit peu dans les résultats, trouver sur des choses effectivement alors pas sur du secret défense mais sur des documents spécifiques et confidentiels mais qui ont été mis à disposition sur internet, qui ont été indexés par un moteur de recherche et qui donc du coup sont disponibles en résultat de requête et affichés comme ça quoi. Et donc mon extension qui est donc une extension Firefox et Google Chrome, c'est une extension qui a été développée par un mec, elle s'appelle Mitaka, M-I-T-A-K-A. Alors je vous invite, si jamais vous voulez utiliser cette extension qui est pas du tout vérolée, risquée ou quoi que ce soit, c'est complètement safe. Vous faites une recherche, alors vous mettez pas que Mitaka parce que sinon vous allez trouver plein de trucs en rapport avec le Japon, puisque je crois qu'il y a une ville japonaise qui s'appelle Mitaka. Mais vous passez par Mitaka et GitHub, G-I-T-H-U-B. GitHub qui est une plateforme de développeurs de partage de code. GitHub. Ouais, exactement. Bonjour Guy. Bonsoir. et on dirait un très mauvais prénom composé. Et donc c'est une plateforme de développeurs où les gens partagent du code et où on peut venir participer, etc. Enfin voilà. Et donc la personne qui a développé, là où les personnes, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, qui a développé cette extension a mis le code à dispo sur GitHub et dessus bah, vous trouvez les liens vers les stores et Firefox et Google pour récupérer les extensions puisque les extensions ont été validées et par Google et par Mozilla pour être disponible sur le store, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et alors, mais alors qu'est-ce que fait Mister Yanda? Exactement, c'est la question que j'étais en train de commencer à formuler. Eh oui, eh bien figurez-vous, cher Mathieu, que c'est une excellente question et je vais y répondre. Cher Mathieu, ça me fera toujours rire. Oui, oui, pareil. Donc en fait, c'est une extension qui vient rajouter une possibilité à votre clic droit. En fait, lorsque tu, alors elle peut faire des recherches du coup sur une partie de texte que tu vas au préalable sélectionner sur une page web. Alors cette, en fonction de ce que tu vas sélectionner en termes de texte, ça va te proposer différentes recherches. Mais si par exemple tu surlignes une adresse mail que tu vois sur un site, en faisant un clic droit on va dire sur Firefox, puisque c'est sur Firefox que je l'ai installé, tu surlignes, tu sélectionnes une adresse mail, tu fais un clic droit dessus et tu vas voir que dans ton menu de clic droit, tu as une nouvelle option qui est apparue, qui est l'option Mitaka. Et en allant sur cette option-là, ça t'ouvre une petite fenêtre qui te propose en fait de faire une recherche sur cette adresse mail dans différentes bases de données. Et ça te permet du coup de ressortir plein d'informations, notamment des informations de critères de comment dire de pas de enfin si de e-réputation de cette adresse, puisque les adresses email, sachez-le, vous ne le saviez peut-être pas, ont toutes un coefficient de réputation qui aide les différents fournisseurs d'accès à distribuer vos envois de mail, soit dans les boîtes spam directement, ou alors de façon propre dans les boîtes de réception. Et tu peux aussi récupérer du coup le nombre, la dernière utilisation, le nombre de mails en moyenne envoyés avec cette adresse et référencé, etc., etc. Donc savoir si t'as affaire à une adresse potentiellement clean ou potentiellement dangereuse ou biaisée. Et tu peux faire ça sur les noms et les prénoms. Bah, pareil, ça va aller taper dans des bases de données publiques pour ressortir des informations sur les noms de marques, sur les noms d'entreprises. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais c'est accessible de façon très simple, puisque tu as juste à surligner une partie de texte, tu fais un clic droit et tu vas dans le menu déroulant de Mitaka et tu choisis dans quelle base de données on fait une recherche pour ce que tu as sélectionné, et après ça t'ouvre les résultats et ça t'affiche les résultats. Donc c'est une façon de faire de l'OSINT hyper simplifié. Pour nous, le commun des mortels, à quoi ça peut servir? À rien. Non, en fait, c'est plus. Alors, typiquement, l'adresse mail, c'est un bon. C'est un assez bon indicateur. Si tu te poses une question, tu as reçu un mail, mais tu sais pas trop si cette adresse mail, elle est clean ou elle est. Voilà, tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Il te suffit, en fait, tout simplement de faire une recherche avec Mitaka sur cette adresse mail, sur les bases de données qui propose, et tu vas très vite voir la réputation de cette adresse mail, et donc du coup pouvoir savoir si t'as affaire vraiment à quelqu'un et si t'as affaire à quelqu'un de potentiellement clean ou potentiellement qui va en vouloir à tes données ou plus. Mais pareil pour les noms d'entreprise, c'est si tu te poses des questions, c'est une façon simplifiée de faire de l'OSINT, donc d'avoir accès à un petit peu plus d'informations que de juste faire une recherche basique sur Google. Et donc c'est pas un truc qui va te servir tous les jours, mais si t'as envie de creuser un petit peu plus, n'importe quoi en fait, c'est une source d'informations dont l'accès est facilité par l'installation de cette extension. Puisque au lieu d'aller toi sur ces différents sites de moteurs de recherche et de faire tes recherches, là t'as juste à surligner le texte, tu fais un clic droit et puis tu récupères après les informations que tu veux. Bon, moi de toute façon je suis celui qui met le plus de temps à être convaincu, donc ça se trouve pour l'instant je doute un peu, mais dans deux épisodes je suis à fond après, dessus, hein, c'est comme pour Braille. Après non, c'est un peu plus spécifique, mais si t'es dans une démarche où t'as envie de te de renseigner un petit peu, d'essayer de trouver des informations sur une entité ou sur voilà, quel que soit ce sur quoi tu veux faire des recherches, bah, une extension comme Mitaka va t'aider à trouver plus rapidement un petit peu plus d'informations et du coup à pouvoir voilà, accélérer un petit peu tes démarches et ta démarche de recherche. Mais si t'es pas du tout dans cette démarche de curiosité ou à minima de recherche, clairement n'installe pas cette extension, elle ne te servira à rien. Mais voilà, c'est un objet, si tu veux faire un outil pour faire de l'OSINT, mais qui simplifie du coup la pratique, puisque tu n'as pas à connaître, tu vois, on parlait juste avant des filtres de requêtes sur les moteurs de recherche, puisque chaque moteur de recherche a des filtres de requêtes, et chaque moteur de recherche est en plus ou moins pertinent pour le type de fichier que tu veux rechercher. Bah, tout ça, tu n'as pas besoin de le savoir en fait, tu utilises Mitaka et l'extension s'en occupe pour toi en te proposant les bases de données à aller chercher par rapport au texte que tu as surligné et en faisant les recherches directement, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est un outil pour s'amuser, si vous voulez vous amuser à faire de l'OSINT, donc c'est-à-dire quelque chose de parfaitement légal, encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas de... En faisant de l'OSINT, vous n'êtes pas sur un terrain illégal et à faire des pratiques illicites. Absolument pas, ce sont des données qui sont donc diffusées et consultables. C'est un accès simplifié à ces données. Ce que vous en faites après peut l'être, ça c'est autre chose, mais l'accès à ces données et la consultation de ces données, bah, c'est dispo sur le net et indexé, donc à partir de là, c'est accessible et vous êtes tout à fait dans les clous en termes de loi de consulter ces données et de récupérer des informations liées à tout ça. Ok. Mais n'allez pas vous en servir pour faire du chantage à quelqu'un. Voilà, parce que là, par contre, vous allez tomber sous le coup de la loi. Alors moi, je trouvais une autre extension un peu rigolote que tu n'as pas encore mentionné, donc je vais me lancer dans cette extension. C'est un truc qui a été lancé par Mozilla, donc la boîte qui a fait Thunderbird, Firefox et tout ça. Et en fait, ils ont lancé un système d'extension qui a pour but d'essayer de comprendre le fonctionnement de cet algorithme de YouTube que nous aimons tant. Et oui, et ça a l'air... En fait, l'idée, c'est de dire YouTube a plutôt tendance à nous proposer des vidéos un peu soit des chatons mignons, soit des trucs un peu sensationnalistes et tout ça, pour nous obliger à réagir et à faire ce qu'on appelle de l'engagement. Parce qu'un commentaire ou un pouce rouge ou un pouce bleu, et bah, c'est de l'engagement et donc eux, ils aiment bien. Et en fait, l'idée, c'est vous installez cette extension de navigateur qui s'appelle Algo Transparency. Et en fait, l'idée, c'est dès que vous tombez sur une vidéo un peu où tu dis bah, pourquoi est-ce que YouTube me propose ça, tu cliques sur cette appli, enfin sur cette extension, et ça va remonter, ça anonymise ces données, ça remonte une, deux, trois vidéos que tu as pu regarder avant. Et ça envoie le cheminement que tu viens de faire sur YouTube et qui t'a permis d'arriver à cette vidéo un peu chelou. Ça l'envoie à Mozilla qui est censé du coup pouvoir, avec beaucoup de remontées de données de différents utilisateurs, pouvoir faire des profils types de pourquoi est-ce que tu arrives sur tel ou tel contenu et pourquoi est-ce que on t'envoie des contenus haineux alors que tu voulais voir des petits chatons dans un panier. Eh oui. En fait, c'est Mozilla qui t'explique que t'as des goûts de merde, quoi, c'est tout. Genre au bout de... Bah si au bout de 4-5 vidéos, le plugin détecte qu'on n'a pas vu ni une vidéo de Yanda, ni une vidéo de Valentin, ni une vidéo de Chris, oui, effectivement, il est possible qu'on reçoive une petite alerte pour dire c'est pas bien, les amis, soyez un peu curieux, tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, t'aimes plus la bye-bye. <sinon. rire> Non, je sais pas, ça me paraît être une... Puisque c'était un sujet qui nous intéressait, d'essayer de comprendre YouTube, cet ami qui nous veut du bien, en fait. Ça me paraît être pas déconnant de faire de la remontée d'infos avec ces trucs-là. D'autant que, bon, pour le coup, faire de la remontée de data à une entreprise comme Mozilla, alors qui n'est pas une entreprise, en plus, qui est une fondation. Une fondation. C'est relativement safe... dans le sens où Mozilla sont des gens propres dans le traitement des données, etc. C'est pas... ils sont pas... En tout cas, pour l'instant, de tout ce qu'on a pu en savoir et de ce qu'ils en disent, ce sont des gens qui font attention et qui ont à cœur de, de traiter les données correctement. Notamment, on le voit par le biais qu'ils ont implémenté là, dans, ça fait quelques temps maintenant, mais dans une des versions relativement récentes de Firefox, le Facebook Container, qui est intégré par défaut dans le navigateur et qui fait que lorsque vous avez un onglet ouvert avec votre Facebook connecté dessus, et ben si vous ouvrez d'autres onglets dans le navigateur, Facebook n'a pas accès aux données de ces autres onglets puisqu'il est containerisé, c'est-à-dire contraint à son onglet à lui et les informations qui sont renvoyées par Firefox, donc le navigateur, si vous avez d'autres onglets ouverts, c'est qu'il n'y a pas d'autres onglets ouverts. Puisque sachez-le, si vous êtes sur Facebook et que vous avez un onglet avec votre Facebook ouvert sur n'importe quel autre navigateur, si vous ouvrez d'autres onglets et que vous continuez à surfer avec le Facebook, Facebook a accès aux onglets que vous consultez et du coup peut récupérer de la donnée par rapport à ces onglets-là. Ah, ça je savais pas, dis donc. Eh oui. C'est flippant. Mais pas sur Firefox du coup, puisque maintenant par défaut ils ont mis en place, ça avait été pendant un bon moment, ça avait été une extension. C'était un plugin qui marchait très bien effectivement, et là ils l'ont intégré maintenant nativement au navigateur. Donc quand vous êtes sur Facebook avec Firefox, vous avez un petit sigle en haut à droite qui vous dit que vous êtes containerisé et que donc Facebook n'a plus... la possibilité d'aller agréger de la data sur ce que vous faites en même temps que vous êtes sur Facebook. C'était une petite icône de portail quand c'était en extension. Ça, à chaque fois, je pensais à Chris un petit peu, tu vois, de son portail, c'était bien. Ça me faisait plaisir. Voilà. Bon, est-ce que tu as une autre extension magnifique, puisque visiblement, nous ne sommes pas convaincus par la première, puisque j'ai pas d'enquête à faire pour l'instant. J'ai pas d'extension. J'utilise un nouvel outil là depuis quelques semaines, mais hors navigateur, qui est un outil propriétaire, donc qui a des défauts certains, mais dont je suis très très fan. Alors, je ne sais pas si je peux vous parler de cet outil-là, mais du coup, on sort du domaine de l'extension. Donc, je vais peut-être abuser de mon temps de parole. Et qui est un outil propriétaire. Mais vas-y. Non, donne-nous des nouvelles du site de l'Estaminière, alors, à ce moment-là. Ah, mon Dieu, quelle tristesse. Le site il reviendra. Ouais, il reviendra, peut-être. Parce que, du coup, le site de l'Estaminière, que vous avez peut-être... Si vous êtes des fidèles de longue date de cette émission, ouais. Eu la fallait chance pas cligner les yeux, quoi. de consulter, il est actuellement en maintenance, puisque l'hébergement dont nous bénéficions jusqu'à présent a fermé. Et donc, du coup, en attendant de peut-être trouver une autre solution pour l'hébergement de ce petit site qui permettait de diffuser les épisodes précédents dans un habillage un petit peu esthétique et sympa. Donc, en attendant de retrouver un hébergement, on a remis la page de base qui était jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez quand même retrouver toujours les précédents épisodes de l'Estaminerd avec l'ensemble des liens affiliés. N'oubliez pas surtout, merci la communauté de nous soutenir, c'est important. Je le rappelle, c'est un podcast animé par des professionnels. Hein. On est sur le podcast. ne faites pas ça chez on vous. On est sur le podcast Tech et Culture de référence, c'est important. Donc soutenez-nous, merci, on en a besoin. Mais au-delà de ça, voilà, le site reviendra peut-être. Il est actuellement, par la force des choses, remplacé. Mais est-ce temporaire ou pas, ça ne dépend que de vous. Pas payer en fait. Mais toi qui nous écoutes et qui bosses chez OVH, tu peux nous faire un petit, tu nous fais une petite backdoor pour rentrer sur un serveur. Ça fait plaisir. Ce sera toujours ça de prix. Mais l'estaminerd.fr existe toujours. On arrive toujours sur une page avec tous les épisodes. Et puis sinon, vous en trouvez toujours sur les réseaux sociaux. Et puis sur les différentes plateformes de podcast, de Deezer à Spotify, en passant par iTunes, Podcast Addict, tout ce que vous voulez. On est toujours là-bas. Les 5 étoiles, les commentaires, ça fait plaisir. Tant qu'on est en train de parler des plateformes de musique, j'aimerais reprendre un débat que nous avons commencé en off, Mister Yanda, toi et moi, oui, concernant nos data et l'utilisation de ces dernières. L'utilisation équitable qu'on pourrait avoir de nos plateformes musicales, puisque j'ai un peu regardé le taux de reverse des plateformes musicales. Alors sachez que quand vous regardez de la musique sur YouTube, vous ne donnez absolument pas du tout le moindre centime aux artistes que vous aimez bien, parce que le taux de revers, c'est un des pires que je puisse trouver. Et moi, j'étais naïvement sur Deezer depuis quelques années, parce que je me suis dit, Deezer, c'est quand même le fleuron hein, français, c'est par chez nous. Et j'étais un peu agacé par le taux de revers qui est un peu supérieur à celui de Spotify, mais qui est quand même pas fifou. Et du coup, j'ai regardé Napster, qui est le deuxième en taux de reverse, qui reverse deux fois plus d'argent par titre écouté aux artistes. Et du coup, j'ai testé, le truc fonctionne pas mal et tout. Et j'en suis venu au grand saut, en fait. Faut-il, pour des raisons éthiques, aller sur Napster, qui va me faire un abonnement qui va me coûter 10 balles par mois et qui va reverser deux fois plus d'argent aux artistes quand j'écoute des titres à eux, mais qui est un truc américain et donc qui va exploiter mes données façon GAFA? Ou est-ce qu'il vaut mieux, désolé les artistes, vous donner un petit peu d'argent en moins, mais protéger mes données personnelles? Mister Yanda, tel père Castor, dis-nous tout. Eh bien, il s'avère que suite à ta question, j'ai mené l'enquête et nul besoin. Une enquête rondement menée, ouais, là, n'est-ce pas ? Et pour le coup, nul besoin de Mitaka ou de quelque outil d'OSINT que soit. Je suis simplement en fait allé sur les pages de. Alors c'est pas de mention légale, mais c'est de traitement de données personnelles qui sont des pages obligatoires et qui sont dans le cas de Deezer assez importantes, mais relativement bien remplies. Et je n'ai pas eu à aller très très loin sur cette page pour en fait constater que Deezer en tant qu'entreprise française, explique, et de façon tout à fait explicite et noir sur blanc, que alors ils essayent au maximum de stocker tes données en Europe, en zone Europe, mais que rien que le stockage de tes données n'est pas garanti, mais que par contre, ces données peuvent être diffusées à différents partenaires de Deezer, et que pour le coup, ces partenaires sont eux clairement situés outre-Atlantique, et que donc tes données voyagent et traversent l'océan elles aussi, afin de faire le grand voyage vers différentes firmes à des fins marketing, statistiques et profilaires. Donc voilà, c'est pas le fait que ce soit une entreprise française engendre peut-être une transparence un petit peu plus importante quant au traitement de ces données, mais elles partent de la même façon, et en plus de ça, ils expliquent noir sur blanc. Alors là par contre, je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est le cas d'énormément de services, voire quasiment tous, mais là pour le coup, dans leur politique de confidentialité, ils explicitent clairement que les employés de Deezer ont accès, bien évidemment officiellement, qu'en cas de besoin et en cas de, voilà, de nécessité, mais les employés de Deezer ont techniquement la possibilité d'accéder à tes données d'utilisation du service. Et de façon, voilà, c'est pas... alors, ils ont... Donc, il y a des mecs à la CIA et chez Deezer qui savent que j'écoute Fais la poule tous les matins au réveil, par exemple. Par exemple, ouais, tout à fait. Qui savent que, effectivement... en fait, toutes les... Alors, c'est une grosse tendance qu'il y a maintenant, et pas que chez Deezer, chez Spotify et chez autres, cette mise en avant, effectivement, des statistiques et des calculs de pourcentage, quel type de musique t'as écouté sur la période, etc., etc., et qui te font des jolis graphiques et des stats de tes utilisations des services. Mais ça, c'est des choses qui sont... ce n'est que la partie visible de l'iceberg en termes de données. Et tout le reste est effectivement utilisé dans des buts de profilage et de cibler encore plus la publicité qui pourra être adressée derrière. Mais effectivement, si un employé de Deezer, en l'occurrence, a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, mais pas toi en tant que Matt, toi en tant qu'utilisateur, il a tout à fait la possibilité technique d'accéder à ces informations-là dans la plus grande légalité, puisque Deezer le dit très clairement dans leur politique de confidentialité, donc c'est pas quelque chose que tu pourras leur reprocher. Deezer peut en revanche se retourner contre son employé, puisqu'ils ont officiellement, là encore, des politiques internes qui font que les accès sont quand même contrôlés, mais ça c'est ce qu'ils disent, et toi en tant qu'utilisateur, t'as aucun moyen de le prouver, et encore plus de te retourner contre Deezer, puisque c'est encore une fois explicité noir sur blanc dans leur politique. Les derniers chiffres que j'ai trouvés sur le taux de reverse des plateformes musicales datent de mars 2018. En gros, en moyenne, voilà combien un artiste touche quand vous écoutez une fois sa chanson. Si vous l'écoutez sur Napster, un artiste va toucher 1,90 centimes. Donc en euros, ça fait 0,019. Si vous l'écoutez sur Tidal, bon là pas en France, ça fait 1,25 centimes. Sur Apple Music, on est à 0,74 centimes. Si vous l'écoutez sur Google Play, on est à 0,68 centimes. Sur Deezer, on est à 0,64 centimes. C'est-à-dire qu'on est à 3 fois moins que si vous l'écoutez sur Napster. Spotify, c'est encore moins, 0,44 centimes. Moins d'un demi centime quand vous écoutez votre morceau. Sur Amazon, on est à 0,40 centimes. Et le pire, c'est YouTube, où on est... je ne sais même pas comment dire ce chiffre. On est à 7 centièmes de centime. Waouh. Donc il y a 0,0007. Voilà, c'est ce que vous donnez à l'artiste quand vous l'écoutez sur, sur cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, choisir la plateforme sur laquelle on va écouter de la musique, ça devient un geste aussi militant pour les artistes, d'autant que toutes ces plateformes-là sont abonnées aux mêmes distributeurs musicaux. Il n'y en a pas énormément des distributeurs de musique. Et donc, des gens qui vont récupérer le catalogue d'un artiste pour le mettre sur Internet. En France, il y a, si ça n'a pas bougé, il y avait deux grosses boîtes. Quand je me suis intéressé au dossier, c'était Believe et Idol. Et du coup, il y a des distributeurs internationaux qui dealent des droits du coup, pour tous les pays. En fait, ces mecs-là dealent une fois pour toutes les droits. Et donc, vous avez grosso modo tous les artistes sur toutes les plateformes. Et comme ce n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années, et du coup, il y a une dizaine d'années, des gens comme moi qui voulaient soutenir des groupes indés avaient plutôt tendance à se retrouver sur Deezer parce que c'est là où tu pouvais retrouver les groupes indés français que tu aimais bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Donc, pour moi, la question de passer sur la plateforme qui rémunère le plus les artistes devenait quelque chose qui m'intéressait. Quoi. Si de toute façon, mes données personnelles sont perdues et qu'elles sont dans le cloud et dans les pattes des annonceurs, bah autant... pour un abonnement qui coûtera le même prix partout, filer le plus de thunes possible aux artistes que je vais écouter. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, le truc, c'est pas de culpabiliser les gens sur l'utilisation des données qui est faite par telle ou telle boîte. Le truc, c'est de le savoir et après d'agir justement en connaissance de cause. Quand t'as deux, comme c'était ton cas, deux critères en fait de choix pour la plateforme, c'est d'un côté tes données, mais de l'autre aussi la partie reversée aux artistes. Quand tu sais que les données, c'est grosso merdo plus ou moins la même chose. Bon, en fonction de ça, on part sur le critère numéro 2 et au moins tu sais que derrière l'utilisation des données qui est faite, elle est peut-être un petit peu plus poussée et abusive, mais en tout cas, c'est un choix qui est fait en connaissance de cause. L'idée est pas de... C'est un truc qui est important avec justement toutes les données et l'utilisation. Il y a beaucoup de choses que je vois passer dans les reportages ou dans les trucs comme ça, où on est très dans la culpabilisation des gens pour faire tout un tas de choses par rapport à ces données. Mais je pense qu'il y a une notion de prévention qui est assez intéressante et peut-être un petit peu plus intéressante et importante pour moi. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'organiser une révolution. Le traitement des données, ça fait longtemps qu'il est là et il continuera encore aujourd'hui puisque la donnée est quand même une des sources de revenus et de valorisation monétaire les plus importantes aujourd'hui sur le plan international. Par contre, il faut que les gens en aient conscience et du coup agissent en connaissance de cause. Et là, ce que tu fais toi dans le cadre de ton choix de plateforme de streaming, c'est pour moi, en tout cas, complètement sensé, et sur le plan de l'utilisation de tes données, et sur le plan de tes convictions, quoi. On était quand même moins emmerdés que les cassettes démusclées. Ouais, après, ça reste la cassette et le support physique, ça reste aussi le seul moyen de vraiment soutenir un groupe, quoi. S'il y a un groupe que t'aimes vraiment bien, le moyen le plus efficace pour lui donner de l'argent, c'est de le voir en concert et d'aller acheter du merch directement, parce que quand t'achètes... Ouais, j'allais dire, ouais, le plus efficace, c'est même d'aller voir le concert, parce qu'en fait, même sur les CD, on récupère pas tant que ça, quoi. Le plus efficace, effectivement, c'est d'aller voir un concert et d'acheter un truc à la sortie. Oui, t'achètes, mais c'est ça, t'achètes sur le... Ah oui, t'achètes directement sur le stand concert, de merch, ouais, parce que quand tu l'achètes à 15 balles dans un réseau commercial, l'artiste, il va toucher moins de 5 balles dessus, alors que si tu achètes à 15 balles directement auprès de l'artiste, forcément, comme tu supprimes tous les intermédiaires, il y a plus d'argent qui va directement dans la poche de cet artiste que tu aimes bien. Du coup, quel morceau moderne là qu'on a découvert, histoire de boucler la boucle, on va aller écouter en terminant ce podcast. C'est quoi votre dernier petit coup de cœur musical, un truc dont on a envie de parler, qu'on a envie de faire découvrir aux gens? Alors, moi j'ai deux trucs sur lesquels je suis en ce moment. Alors, j'écoute tout d'abord Attaque Souple, ça s'appelle. C'est vachement bien. C'est des mecs qui. Et ben justement, ça va même permettre de boucler la boucle d'une manière, tu vas voir. C'est des gens qui font de la musique un peu synthwave, enfin, typiquement années 80, enfin, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Mais avec un gros côté, enfin, un gros côté humoristique, avec une petite pincée d'humour, on va dire, puisqu'ils ont mis des samples de Ken le Survivant dedans. De temps en temps, t'entends des petits passages de Ken le Survivant en français et aussi en japonais pour un morceau. Bah, okay. Ouais. Si t'entends du bruit, c'est Chris derrière qui hyperventile. Les passages français. Hein? Si on entend du bruit bizarre, c'est Chris qui est derrière qui est en train d'hyperventiler. Non, parce que si on a le Omaewa Mushinderyu, c'est bon, ça passe, c'est validé. Peut-être, je ne sais pas. Après, moi, je connais pas assez et je suis pas certain qu'il y ait, qu'il y soit. Mais bref, c'est vraiment à écouter Attaque Souple. Il y a un des morceaux qui s'appelle par exemple Métro Boulot Dojo. Et je trouve ça excellent. Et en fait, au-delà des petites touches humoristiques à droite à gauche, c'est musicalement, je trouve ça vraiment bien, bien fait, bien construit, bien produit. Donc c'est vraiment chouette, c'est assez court. Pourquoi c'est assez court? Parce que le seul support physique sur lequel ils ont publié leur musique, donc c'est écoutable sur internet très très facilement, mais si vous voulez l'avoir en physique, c'est uniquement sur cassette audio. Ils ont décidé de produire des cassettes audio pour pouvoir avoir la musique en physique. Et ça, je trouve ça très très fort et très très rigolo. Vous avez encore un lecteur cassette qui fonctionne? Parce que moi j'ai trois lecteurs cassettes, les trois sont foutus quoi. Chez mes parents il y en a je pense, mais chez moi non j'en ai pas, ici j'en ai pas. Donc si on veut écouter la cassette d'Attaque Souple, on peut aller chez tes parents ou pas? Faut qu'on aille chez lui pour la pizza d'abord, hein. Donc organisez-vous, s'il vous plaît. Non mais, ou sinon vous tapez Attaque Souple, attendez, je vais retrouver juste le nom de l'album, ça va me prendre deux petites secondes. Dans les pinces du Mecha Gani, ça s'appelle, oui, l'album. Oui, c'est ça, exactement, dans les pinces du Mecha Gani. C'est moi qui fais du fact-checking aujourd'hui. C'est ça, dans les pinces du Mecha Gani, et c'est vraiment très bien, ça date de 2018, hein, c'est pas tout jeune, mais j'écoute pas mal ça en ce moment. Et l'autre truc rapidement que j'écoute, c'est l'album d'un copain qui s'appelle, alors vu qu'il change de nom d'artiste tous les 4 matins, je vais, voilà. Alors c'est Monsieur Z, du coup, Monsieur comme Monsieur, et puis ZY, voilà, Monsieur Z, qui a notamment fait la musique originale de Hocus, en tout cas, qui fait régulièrement des musiques pour mes vidéos, pour mes projets, qui est quelqu'un de très gentil, qui a fait la musique notamment de Bator et Smith, qui au-delà est une série moyenne. Extrêmement qualitative, et je ne vous permets pas, et extrêmement qualitative cette série. Et égocentré, la BO de Bator et Smith, c'est très très bien. Je suis vraiment très très content de son travail à ce monsieur, donc Monsieur Z. Et il a publié un album qui s'appelle Blank Page, un album de 12 morceaux avec notamment le dernier qui s'appelle The New World Order, qui est très très très très très bien. Voilà, c'est de la musique électro, il y a un peu de tout, à boire et à manger, et j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur. Et du coup, Bator et Smith, c'est une série qu'on retrouve sur la chaîne YouTube V pour Valentin. Absolument, Bator et Smith, tout à fait. Voilà, je comptais pas du tout faire ma pub ce soir, tu vois, mais voilà. Donc c'est les deux trucs que j'écoute en boucle en ce moment, Monsieur Z et Attaque Souple, voilà. Et toi, Chris, qu'écoutes-tu en ce moment? Chris, il dort, il est plus là, putain. Quel naturel, vraiment, dans cette émission. Écoute, moi, tu parlais de synthwave. Il y a une chanteuse que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Jessie Fry et qui chante un peu dans ce registre, enfin, sur des musiques un peu de ce registre-là, un peu électro, rétro, un peu synthwave et tout. C'est très très sympa. Et sinon, dans les albums qui sont plus dans mes cours musicaux habituels, il y a le dernier album de Code Orange, qui est un groupe de métal un peu hardcore, un peu multi-influencé. Parfois, ça sonne un peu comme du grunge des années 90. Des fois, ça sonne un peu comme Machine Head. Des fois, ça sonne beaucoup plus moderne et torturé. Si vous êtes adepte de métal au sens large, Code Orange, c'est un groupe qu'il est bon d'écouter. Voilà. Alors qu'Olivier Véran a dit qu'on passait en code écarlate dans certaines villes à cause du Covid. Allez, donc, moi, je suis un peu en retard. Moi, je suis resté à l'orange. Ok, et Jesse Fry, c'est ça? Ouais. Rien à voir avec Mia Fry, du coup. Absolument, en tout cas, je ne leur connais pas de lien de parenté. Ok, mais, ouf. J'irai peut-être écouter alors. Il y a peut-être une Zinku. One, two, step. Ouais. Give me the step. Et toi, Mister Yonda, sur quel type de beat coupé décalé es-tu? Eh bien, attention quand même. Justement. Attention quand même. Attention quand même. Alors, il y a plusieurs ambiances. En règle générale, là, pendant que je bosse, j'aime bien écouter des trucs sans parole. Majoritairement parce que bah pour voilà la concentration etc. Donc oui. Donc je suis très sur de l'instrumental et donc là il y a plusieurs choses. Alors il peut y avoir de la synthwave comme vous, mais c'est des compiles très variés donc j'aurai pas de titre. Je suis très fan du travail de Nicolas Britel, compositeur majoritairement classique qui a fait notamment la BO de la série télé Succession. Entre autres, mais il a fait plein de trucs et c'est vachement bien. Après, je suis très très fan aussi de deux chaînes YouTube. Attends, je vais me remettre les noms pour pas vous dire n'importe quoi. C'est la chaîne YouTube Ambient Worlds et Everness. Donc ce sont deux chaînes YouTube différentes. Et j'aime beaucoup Everness notamment, puisque Everness, c'est des vidéos qui oscillent entre 1h et 3h. Et on est sur des ambiances de jeux Bethesda et Blizzard. Donc tu vas avoir par exemple 1 heure de taverne dans World of Warcraft avec un petit fond sonore. Ou alors Skyrim dans les plaines, etc., etc. Et c'est très très bien. Donc ça c'est pour toutes les parties sans parole et instrumentales, on tourne autour de ça. Et pour ce qui est après un petit peu plus dans mes courants musicaux habituels, pour paraphraser Chris 2, j'ai écouté récemment dans les dernières sorties le dernier album de Damso, qui est une proposition artistique intéressante mais très loin de ce qu'il faisait jusqu'à maintenant et un petit peu plus faible en écriture, donc Beef Bof je dirais. Ainsi un petit gars pas très connu, un parisien qui s'appelle Jewel Hussein et qui fait du rap aussi et qui est très très bon et qui a sorti un morceau qui s'appelle Bruce Lee qui est très très bien aussi. Donc ça c'est vraiment un gars qui vaut le détour sur tous ces différentes prods sorties. Et après, il y a eu deux gros albums de hip-hop américain qui sont les derniers albums de Big Sean et de Logic. Donc l'album de Logic c'est No Pressure mais il date un petit peu de quelques semaines. Et Big Sean c'est Detroit 2 qui sont des albums très intéressants musicalement et également techniquement en termes de flow et de prestation des deux artistes. Et toi, Matt? Hey, yeah! Moi, j'ai ressorti les trois albums d'un groupe un peu... Les musclés. Un peu hip-hop. J'aime les musclés. Avec le fameux rap des musclés, évidemment. Non, j'ai ressorti un truc, les trois albums d'un groupe qui s'appelle Fumuge. Alors, c'est chiant, il n'y en a que... Fumuge. Il n'y a que le 1 et le 3 qui sont dispo sur les plateformes. Fumuge, c'est F-U-M-U-J. Je crois qu'ils sont enfin ils sont de l'ouest de la France, j'allais dire de Tours mais je suis pas sûr de moi et j'aime bien ces petits gars, il y a une belle énergie là-dedans, tu vois, qui ne me laisse pas indifférent, j'aime bien, ça me fait plaisir. Et sur les conseils d'un ami qui s'y connaît, parce que j'ai l'impression de tourner un peu en rond musicalement, salut Charles et merci de m'avoir conseillé de découvrir l'album qui s'appelle Ultra Mono, qui est un album d'un groupe anglais qui s'appelle Idles. Enfin, pas du tout, mais je sais pas le dire, c'est I-D-L-E-S, Idles, je sais pas. D-L-E-S. Et ouais, c'est très bien. Il y a deux morceaux dessus qui s'appellent Model Village et Mister Motivator. Et c'est de la grosse basse qui fait doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud donne un peu envie de mettre des coups d'épaule dans les gens qui marchent dans les autres sens que toi, qui te gênent comme ça. Et t'as pas fait des sons de VST, non, pour certains logiciels de MAO? Moi, j'ai fait des sons de MST, mais je t'en raconterai dans un prochain épisode. Et du coup, ouais, c'est les deux trucs que j'ai écouté. J'ai donné vite fait une chance au dernier album de Marilyn Manson. Je ne vous conseille pas de le faire chez vous. Et puis voilà, on est dans ce genre de bail. Si j'ai ressorti un album de The Distillers qui s'appelle Coral Fang. Et Distillers, c'est un peu du punk garage. C'est chanté par une meuf. Tu te fais engueuler pendant 23 minutes. C'est super. J'adore. Et pour la partie gossip, c'est l'ancienne meuf du chanteur des Queens of the Age. De l'âge de pierre. Voilà. C'est eux. Ah oui, sinon on parlait de groupes français et un peu plus locaux. que j'ai découvert notamment, j'allais dire, grâce à l'annulation du Hellfest, ce qui est assez paradoxal. Ils ont fait un live pour le Hellfest qui n'a pas eu lieu cette année, et le groupe d'ouverture, c'est un groupe qui s'appelle Stinky, qui est originaire de Nantes, je crois. qui fait du hardcore avec une chanteuse, et du coup c'est très très bien. Voilà, si vous ne connaissez pas Stinky, que vous n'avez pas vu leur live en intro du live Hellfest, et ben ça vaut le coup d'aller Stinky, voir. Stinky, ouais. C'est qui pue, non, c'est ça en anglais? Oui, tout à fait. Le nom est peut-être mal choisi, je ne sais pas. Je ne les ai pas sentis, je les ai vus en live sur internet, donc je n'ai pas eu l'odorama. Stinky. Et ben voilà, ça nous fait une belle sélection de trucs à écouter en attendant le prochain épisode de l'Estamineur dans à peu près 9 semaines. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. On a repris le rythme, hein, calmement. Hein. On attend le reconfinement pour pouvoir rebosser tranquillement, quoi, c'est tout. Continuez à vous taper la bise, les gens, qu'on puisse enfin refaire des épisodes tranquillement, ouais, sur les Staminerd. Et il paraît qu'il y a plus de gens là aujourd'hui qui sont hospitalisés pour des cas de Covid qu'au moment du confinement, dis donc. C'est plus virulent, c'est plus véhément aujourd'hui. Mais bon, hein, est-ce qu'on va sacrifier une nouvelle fois l'économie, ou est-ce qu'au mieux sacrifier la population? Nous le serons au prochain épisode de votre podcast de culture. Si on n'est pas mort avant le prochain épisode à cause du Covid, bon, parce que, écoute, on est assez loin. On est assez loin les uns des autres. Je pense qu'il y aura un survivant sur nous quatre. Quelqu'un qui pourra écrire le journal de guerre. Est-ce qu'il pourra changer de nom et s'appeler Ken, du coup? Après, en tout cas, s'il écrit dans le journal de guerre, alors j'ai un outil à lui proposer pour écrire dans le journal, mais j'en parlerai une autre fois. Puisque vous n'avez pas voulu que j'en parle aujourd'hui, c'est pas grave. C'est préféré. Pour écrire dans le journal, l'outil qu'il faut, c'est celui pour rembobiner les cassettes, non? Alors ça peut, c'est le même. Ça peut, effectivement. Okay. Mais il peut le faire aussi de façon digitale. Oh. Tintintin. Quel teaser. Digital, tu dirais, avec son doigt? Ouais. Pas que. Cette blague gênante signera donc la fin de cet épisode. Et oui, tout à fait. Et nous, on se retrouve au prochain, quand vous aurez pris le temps d'écouter les artistes que l'on a sélectionnés pour vous, et puis de parler de l'émission auprès de vos amis, de les inciter à mettre les fameuses 5 étoiles, de mettre des commentaires sur vos plateformes préférées, et bien sûr, de passer vos achats à travers les fameux liens affiliés, bien sûr. Merci la communauté, merci de soutenir les professionnels que nous sommes, car n'oubliez jamais, les professionnels, ce sont les meilleurs, c'est la référence. Ciao tout le monde et à bientôt! Et surtout, lavez-vous les mains.